Bienvenue à tous dans ce premier épisode du podcast Magic Mouse Paris. Aujourd'hui, nous allons partager notre amour avec vous pour le parc Disneyland Paris. Et nous allons parler essentiellement aujourd'hui de Frontierland. Donc préparez vos bottes et vos chapeaux de cow-boy. Voici le générique. Bienvenue à tous. Donc nous allons nous présenter, car c'est une première. Donc moi je suis Olivier ou Olive in Wonderland, peut-être que vous me connaissez via ma chaîne YouTube. Et j'ai mes deux comparses. Donc on a Laurent. Bonjour Laurent. Salut Olivier. Comment vas-tu? Très bien, super content d'être là. Tu peux te présenter un petit peu? Écoute, un peu comme toi, passionné de Disneyland Paris. Une chaîne YouTube, et puis l'amour des belles images et de ce parc. Parfait. Et nous avons avec nous Benjamin, que vous aurez dans chaque émission, normalement, si tout va bien. Benjamin, que vous connaissez du podcast Marvelicious. Oui, bonjour Olivier. Comment vas-tu, Benjamin? Ça va, super. Pourquoi on a pris une voix aiguë? Je ne sais même pas. Non, je ne sais pas non plus. Donc, dans les podcasts de Benji, on fait beaucoup d'ASMR, là, je ne suis pas sûr c'est qu'on clair. Va faire. Non, ce n'est pas sûr. C'est une exclu sur Marvelicious. Exactement, c'est une excuse, sinon après je vais avoir un procès, donc ça ne va pas aller. Quand même pas. Donc, pour cette première, nous avons un invité que j'apprécie beaucoup. C'est un invité qui est collègue aussi Fayot. Au podcast. Fayot. Qui est cofondateur du super podcast Main Street Actu, que vous devez tous connaître. Fayot. Qui avait été créé par Olivier et Tony. Et nous avons ce soir Tony avec Fayot. Nous. Comment vas-tu, Tony? Bonjour, eh ben, ça va très bien, je suis content d'être là avec vous. Et oui, ça fait un peu faillot, je trouve aussi. Ouais, bon. Mais carrément, en fait, le gars c'est... Alors, il a fait ça. C'est un merveilleux podcast. C'est vrai, c'est eux deux, c'est Olivier et Tony qui m'ont fait rentrer dans le monde du podcast après Benji, etc. Ça m'a donné envie de faire des podcasts. Des podcasts, non, c'est bien les podcasts. C'est plus facile que YouTube. Ouais. C'est pas pareil, c'est pas le même monde. C'est pas forcément aussi la même manière, je pense, de. Ouais, c'est plus relax. C'est plus relax, je trouve. Ouais. Tu prends un micro, pouf, tu parles et tu peux diffuser. Ouais, c'est ça. C'est plutôt pas mal. Donc, quand nous allons avoir un invité, on va avoir une petite question rituelle comme ça qui va être pourquoi ou aimes-tu ou tu détestes éventuellement peut-être Disneyland Paris, je ne sais pas. Oui. Alors écoute, la réponse est assez complexe. Je n'aime pas du tout Disneyland Paris, hein. Voilà, c'est bien connu. Voilà, d'ailleurs, j'aime pas Disney. Non, mais évidemment, oui, j'aime beaucoup Disneyland Paris. J'y vais depuis l'ouverture. Comme moi. Mes parents étaient fans Disney. Bon, alors évidemment, pas à notre niveau à nous, mais ils aimaient beaucoup Disney. Et donc, quand ça arrive en Europe, on avait eu l'occasion d'y aller aux États-Unis. Et puis, quand ça arrive en Europe, on en a profité, on y allait. Et puis, on n'a jamais arrêté d'y aller. On a eu des passes annuelles pendant des années quand j'étais petit. Moi, j'ai repris des passes annuelles là, il y a quelques années. Là, j'ai arrêté les passes annuelles parce que les prix sont un peu abusés. Non, mais, mais ça n'empêche que. T'as fini ton passe annuel? T'as plus de passe annuel là? Ouais, depuis le 14 janvier, je suis plus passe annuel à Disneyland Paris. Oh! Ouais, ça fait un choc hein, quand on entend ça. C'est... Oh là là là! Ouais, ça me fait bizarre. Honnêtement, ça m'a fait bizarre. Le jour où je l'ai plus été, j'ai regardé mon passe annuel, j'ai dit ah, ok, c'est aujourd'hui. Et il a regardé son compte bancaire, il fait ah! Ah ouais, j'ai sauvé d'argent. Ouais, enfin après je vais à Disney World cette année donc pas mieux hein. Ouais. Au final voilà. Mais donc oui, très fan de Disneyland Paris. Comme je dis souvent, c'est un peu ma safe place, c'est un endroit où je me sens vraiment bien, où je me sens un peu en sécurité. Donc c'est plutôt cool et puis c'est grâce à Disneyland Paris qu'on a rencontré plein de gens sympas, vous notamment, Olivier aussi que j'avais rencontré là-bas. Donc ouais, en fait c'est ça aussi, c'est que au-delà du parc, c'est une communauté de gens qu'on a rencontrés, notamment sur les différents Discord, les forums, les machins, tout ce qui est Disney Central Plaza, etc. Enfin, c'est une communauté de gens qu'on peut rencontrer, des gens qu'on peut apprécier aussi, on peut se faire des amis. Enfin, c'est ça aussi qui est là avec le parc, c'est pas que le parc. Quoi. Mais même si le parc est vraiment bien, on sait ce qu'il en est, il a un peu été laissé ces dernières années, mais on continue à l'aimer quand même. Ouais, mais je trouve que ça va vers le positif là. ça remonte un peu. Et question, alors qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins à Disneyland Paris? Alors, je pense que c'est la réponse un peu bateau. Ce que j'aime le moins, ça va être facile, c'est le manque de nouveautés récentes, surtout dans le parc Disneyland. Même si les studios commencent à avoir des trucs un peu sympas, le parc Disneyland est un peu resté à l'abandon. Mais voilà, c'est un peu la réponse bateau. Honnêtement, je pense que si je devais faire une réponse un peu plus construite, j'aurais tendance à dire la formation des castes. Parce que même s'il y en a beaucoup qui sont à la hauteur et qui sont vraiment... qu'on voit qu'ils veulent bien faire leur job, il y en a quand même quelques-uns, c'est pas trop ça. On sent qu'il y a un manque de formation, un manque d'implication de leur part. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, je dis pas que c'est tous, hein, honnêtement, il y en a beaucoup qui sont. Et puis je pense que c'est surtout dû à leur manque de formation, c'est pas, ouais, voilà, c'est pas, ça, c'est pas eux. Hein, pas oui, non, c'est vraiment ça, c'est le manque de formation, je pense. Et le manque de personnel aussi, hein, de manière générale, ils ont pas assez de personnel pour opérer le parc correctement, on le voit bien dans la restauration. Voilà, et ce que j'aime le plus, c'est passer le tourniquet, enfin, qui n'est plus un tourniquet maintenant, et en fait, laisser tout le reste derrière moi et juste me dire, je suis là et je profite, quoi. Et puis maintenant y aller avec des amis que enfin voilà quand on y va qu'on peut se voir sur le parc ou quoi c'est encore une autre manière de vivre l'expérience. Ouais, c'est clair. Et comme c'est la première émission, on va demander la même chose à Laurent. on demandera pas à toutes les émissions hein, mais je reviens ouais, c'est ça. Je reviens vraiment sur la notion que Tony a évoquée. C'est que c'est la communauté. J'adore le parc, évidemment. Ça fait un grand plaisir à chaque fois que j'y vais. Mais je crois que je l'ai dit assez souvent dans mes médias que mon grand plaisir d'aller à Disneyland, c'est de rencontrer les gens. Et j'ai un grand plaisir, c'est de d'avoir pu vous rencontrer, vous. Et plein de Fayot. Oh là, Fayot. Mais c'est la vérité en tout cas. Et ça me fait vraiment un grand plaisir d'être là ce soir et d'en parler. Ouais, c'est sûr que c'est grâce à Disneyland Paris que déjà vous avez ce podcast et puis qu'on s'est tous rencontrés, effectivement. Et qu'est-ce que t'aimes le plus et qu'est-ce que t'aimes le moins? Alors, ce que j'aime le plus. J'en ai parlé un petit peu, c'est la communauté, les côtés positifs de la communauté, bien sûr. Et ce que j'aime le moins, c'est la communication de Disneyland Paris. C'est pas forcément le parc en lui-même. On ne peut pas avoir le 100% parfait, ça n'existe pas. Mais je pense qu'au niveau de la communication, des fois, il y a des choses qui m'ont heurté. Voilà. Pour rester gentil. Oui, pour être gentil, puis il n'y a pas vraiment de communication, on peut carrément le dire, je pense. Ouais. Et toi, Benji? Pardon, vas-y, tu voulais dire autre chose, Laurent? Pardon, je suis allé trop vite. Non, c'est bon, c'est bon, parfait. Ok. Ouais. Donc, Benji? Oui, c'est moi. Oui, tu vois, si t'aimes bien. Moi aussi, pourquoi j'aime Disneyland Paris? Pour plein de raisons, pour Disney déjà, et puis c'est pour moi, en fait, disons que dans ma vie où j'ai commencé à être autonome, etc., et mes études, j'avais besoin de penser à autre chose. Et encore aujourd'hui, dans mon métier, j'ai besoin de penser vraiment à autre chose. Et vraiment, c'était vraiment, faut que je déconnecte parce que sinon, je suis tout le temps en train de travailler. Donc, faut que je déconnecte. Et le seul moyen, alors c'est pas forcément bien, mais on va dire que c'est quand même mon seul médicament, entre guillemets, c'est sans trop exagérer non plus, c'est. C'est le seul moyen de m'évader, de penser à autre chose, c'est Disneyland Paris. Donc en fait, j'y suis. En fait, je suis tellement immergé dans le monde de Disney que du coup, j'oublie mes soucis du travail, mon stress. Je suis avec 100% avec mes filles et mon épouse aussi. J'ai tout, vous aussi que je vois. On est vraiment ensemble. Donc voilà, c'est quelque chose en fait. Quand j'y suis, je suis dans un autre monde et j'ai l'impression de me dire que j'ai que c'est beau, mais donc du coup j'ai pas besoin de d'autres choses. Et ce que j'apprécie du coup, c'est ta question, ce que j'apprécie à Disneyland Paris faire, c'est manger. Voilà, ça, c'est, je ne vais pas découvrir à tout le monde, mais c'est vrai. C'est manger, voilà. Si je peux manger quelque chose de nouveau, je vais manger, même boire aussi des fois, voilà. D'ailleurs, sachez que je suis très triste quand il n'y a plus de chalet. C'est vraiment pour moi la torture. Mais maintenant, ils sont pratiquement. Oui, c'est ça. Ils sont 10 mois de l'année. Ils enlèvent une demi-journée par an. Ouais, c'est ça. Non. Si il y a 2 mois dans l'année, ça doit être 12 mois dans l'année. C'est pas 10 mois, ça doit être 12 mois dans l'année. Avant, c'était. Voilà. Non, mais s'ils les mettent 12 mois dans l'année, après, ils doivent construire. Même 14 mois dans l'année, ça devrait être. Non, mais bon, après, c'est. Voilà. Et puis, ce que j'aime pas, en fait, il n'y a pas trop grand chose que j'aime pas, en fait, dans la Disneyland Paris, parce que moi, je suis un peu. Je suis un grand défenseur de Disneyland Paris. Alors bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est vrai. Mais je n'arrive pas à voir le côté négatif de ce parc. Vraiment pas. Donc si je devais en trouver un, c'est de me dire que je suis un peu des fois lassé, des fois, qu'ils fassent croire aux gens qu'ils font du neuf avec du vieux. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des vieux trucs et ils vont dire « Regardez, on ressort ça et machin. » Au hasard, les tricycles. Ouais, voilà. Ou, tu mets t'englobes ouais. Flight Force dedans ou pas? Mais Flight Force, c'est une nouvelle attraction. Donc c'est. Bah oui, mais ils font du neuf avec du vieux. Quand non, même. Parce que. Non, c'est pas vrai. Parce que, non, parce qu'ils l'ont rethématisé entièrement. Et puis, je suis immergé dans le monde d'Iron Man. Donc voilà. Mais encore, tu vois, je vois même pas de côté négatif à ça. Tu vois, c'est extrêmement difficile pour moi. Mais j'aime bien Flight Force. Oui, mais j'ai du mal à trouver un. Voilà. Là, en plus, avec l'agrandissement du parc, du studio, ça va être encore mieux, du bonheur. Mmh. Donc, du coup, tu vois, voilà pourquoi. C'est vraiment. Là, si je dois trouver un truc, c'est ça. C'est faire croire qu'ils font du neuf avec du vieux. Mais sinon, j'ai pas d'autre chose à ajouter, mon petit Olivier. Voilà. Bon, écoute, très bien. Donc, aujourd'hui, le sujet, ça va être. On va parler du Land. Qui est en majorité le préféré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est le préféré de tout le monde, quasi. Bah non. Ah bon ? D'ailleurs, on va commencer par notre invité, d'ailleurs. On va lui poser la question. Est-ce que Frontierland est ton land préféré ? Pas loin. Non, je suis plus fan d'Adventureland. J'aime bien l'immersion en fait, qu'il y a dans ce land-là. Et il y aurait un peu plus d'espace dans Adventureland où on peut se balader et se perdre. Je pense que ce serait Frontierland, pardon. Je pense que ce serait Frontierland mon land préféré. Ce que j'aime bien en fait, c'est me balader, pouvoir me perdre un peu dans le land et ça en fait. T'as pas cette sensation-là à Frontierland. Ouais, c'est ça. C'est... Parce que en fait, Frontierland c'est globalement un grand couloir, enfin entre guillemets. On va d'un point A à un point B et il y a pas beaucoup de chemin de traverse. Qui s'arrête d'ailleurs à la Casa de Coco. D'ailleurs. Après, t'as plus rien. Oui, mais c'est ça en fait. Hein, tu vois, quand tu vas plus loin, en fait, moi justement, c'est à la limite j'aime bien cette partie plus loin parce que justement il y a personne et c'est zen. J'aime bien y aller moi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est reposant. Et mais sinon, oui, j'aime beaucoup Frontierland. Mais sinon, c'est plutôt Adventureland. Et alors, ma petite Madeleine de Proust, ça reste Discoveryland, mais maintenant c'est devenu n'importe quoi. Oui, non. L'ancien. Tu ne touches pas Discoveryland. Non, mais il fallait pas le toucher. Non. En plus, il faut préciser Discoveryland de nuit. Oui, de nuit. Ah oui, ça évidemment. Ah bah, de nuit, c'est limite. De nuit, ça reste le meilleur. C'est peut-être le plus beau de nuit. Hein, ouais. Bah, il y a Main Street quand même. Parce que dans Adventureland, tu te perds. Ah, c'est clair que. Et toi, je suis dans l'eau là. C'est ton land préféré ou pas? Frontierland, oui, carrément. Oui, hein, c'est ça. Oui. Mais bon, on va détailler après pourquoi. On détaillera après pourquoi. Ouais. Et toi, Benji, c'est ton land préféré? Non, pas du tout. Moi, c'est Discoveryland de nuit. Voilà. Non, c'est. Tu m'as demandé mon land. Je t'ai dit, c'est Discoveryland de nuit. Voilà. D'accord. Je n'arrive pas. Voilà. Du coup, change le sujet du podcast ou tu fais le faillot. tu fais le faillot aussi. Non. Ouais, c'est toujours été Discoveryland de nuit. Tu pourras revenir, Tony, le jour où on fera un Discovery. Non, mais attendez, les gars, changez pas de rôle, c'est vous les faillots. Frontierland, par contre, j'ai un truc, c'est mon préféré au niveau bouffe. À la limite, là-dessus, je veux bien. Ah ouais. Voilà. Mais du coup, mais. Mais comme... Bah, ils ont le steakhouse, hein. Oui. Steakhouse. Voilà. Mais la maison du steak, bien sûr. Le Kinnegate aussi, qui est dans. Et le Kinnegate, qui est dans son aussi, style, ouais. Qui est très bien, ouais. Ouais. Bah moi non plus, c'est pas mon. J'ai du mal en fait à choisir un land préféré. Pour moi, mon land préféré, c'est Main Street. Car on l'oublie assez souvent, c'est un land. Parce que, comme disait Tony tout à l'heure, tu passes le portique, tu arrives dans cette rue magnifique qui est toute l'essence de Disney, en fait, de Walt Disney, qui rappelle sa ville d'enfance, etc. Enfin, c'est ce qu'il y a en commun dans tous les parcs Disney, c'est à partir de là que je switch complètement, en fait. Donc, j'adore, je pourrais passer une après-midi entière rien qu'à aller sur Main Street. Mais je l'ai fait, ça. Quand, la seule fois où j'ai été tout seul au parc, c'était après la soirée de réouverture de Phantom Manor. Mmh. Et non, c'est pas celle-là. Enfin bref, soit. Je suis allé une fois tout seul au parc. C'était après la soirée de la Tour de la Terreur. Et je suis resté mais, 3 heures sur un banc à Main Street à juste profiter de l'ambiance. Et c'était trop génial. Ouais, c'était, non, mais ça m'étonne, c'est vraiment ça m'étonne pas. C'est magnifique. Le mieux, c'est de profiter au petit-déj. Oui. Oui, oui, c'est vrai que c'est bien. Ah, le matin, c'est cool. Ouais. Pendant les heures de magie en plus. En plus. Ouais. En plus. donc, bah, on va partir sur le Frontierland. Donc, parlons de Frontierland, qui est inspiré largement de la ruée vers l'or et du Far West américain. On se croirait aux États-Unis. Il a été inauguré dès 92 à l'ouverture du parc. Hein, ce land existait déjà, forcément. Donc, il a été conçu pour transmettre l'esprit d'aventure et de découverte de cette période historique des États-Unis. D'un point de vue visuel, c'est quand même une réussite totale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Le truc avec Frontierland, c'est que, au-delà de la point de vue visuel, je ne sais pas si tu vas on va peut-être parler d'histoire après, ou maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas, quand tu veux. Que, bah, en tout cas, quand ils ont fait le Frontierland, si je me trompe pas, c'est le seul land dans le parc qui a vraiment une histoire. Oui. Il a vraiment une histoire. Discoveryland, il n'y en a pas. Aventureland, il n'y en a pas. Enfin, Disneyland, il n'y en a pas. Celui-là, il a vraiment une histoire. Il y a plus ou moins une histoire à Discoveryland. C'est les visionnaires à chaque grande époque. Oui, c'est ça. Bah, à l'époque, c'était voilà. Même Jules Verne. À l'époque. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ah, ouais. C'était plus au début. Ouais. Ouais, mais ça, on fera un podcast là-dessus. Mais le truc, c'est que l'histoire de Frontierland, tu l'as dès le départ que tu arrives. T'as une entrée principale et la fameuse entrée secrète que tout le monde appelle secrète. L'entrée principale se fait par un fort. Et ça, c'est magnifique. Et ouais, en fait, l'entrée est sublime. Voilà. Et en fait, ça te met direct dans le bain et tu rentres directement par un fort et tu rentres dans le fort et là, tout de suite, t'as le train de la mine en face direct. Ouais. Et à gauche, le manoir. Et tu as le long du fort, sur la droite et la gauche, donc les restos et puis les boutiques. Donc tu vois, t'es carrément mis dans l'histoire où t'as du lieu du land, c'est t'arrives par un fort, et quand t'as, comme si les portes s'ouvraient, tu vois, là tout de suite tu vois un magnifique paysage désert avec... Et c'est d'autant plus immersif le matin quand t'as personne, je trouve. Ouais. Tu t'y croirais vraiment au Far West, quoi. T'es pas parasité par des gens habillés en moderne ou... C'est sensationnel. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à une époque, les portes s'ouvraient réellement. Quand tu dis que les portes s'ouvrent du fort, à une époque, ils les fermaient le matin et ils les ouvraient à l'ouverture du... Enfin, oui, quand oui quand c'est vrai. Ils les ouvraient à l'ouverture, ouais. Et ça c'était incroyable. T'avais vraiment un casque qui ouvrait les portes devant toi. C'était Je me souviens. Des fois, ils les ferment pendant le spectacle, en fait, en général. Ah oui. Ouais, j'ai déjà vu les portes se fermer. Ouais. Oh, ça serait trop bien d'être enfermé dedans. Alors, à mon avis, ils vérifient avant. Mais, Ah mince. Ouais, non, mais en tout cas, c'est vraiment le seul land qui a une vraie histoire. Et je trouve tu commences par un fort direct. Il manque des chevaux, là, des chevaux avec des cow-boys dessus. C'est l'immersion totale. Hein. Il y a un degré de réalisme, je trouve. Tu regardes le sol. Tu regardes le sol, déjà. Le sol, et puis la montagne. Il y a des traces. Montagne, ouais. Le sabot de charrette. Tu regardes tout de suite le sol, t'as ce qu'il faut. Hein. Et après, mais à mon souvenir, à une époque, il y avait des défilés. Hein. Oui. À une époque, il y avait des défilés, tu avais des musiciens aussi. Donc, mais c'était vraiment tout au début du parc. Hein. On en parlera un peu plus tard. Oui, mais... De ce qui a disparu, justement. En fait, c'est le land qui a le plus morflé, entre guillemets, de Disneyland. Oh oui. Parce que ça avait carrément une autre ampleur au départ. C'était vraiment. Exceptionnel, ça l'est toujours, mais ça a perdu beaucoup de... Et il y a un truc aussi que les gens ne font pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Frontierland, en fait, si tu veux connaître à peu près l'histoire de Frontierland, ou du moins l'histoire de la conquête de l'Ouest, les gens, en fait, ils passent sous le fort, ils vont direct tout droit, ouais. Tu sais, vers BTM. Mmh. Alors que faire le fort, c'est le meilleur... Alors qu'il faut faire le fort, c'est-à-dire aller à gauche... C'est vrai que ça se voit pas en fait, tout ce que tu es absorbé par l'allée... Ouais. Mais tu vois, par exemple, faire le fort, c'est un truc de fan, vraiment, parce que anecdote fun, j'étais une fois monté sur le fort, faire le tour et faire quelques photos, et en me retournant, je tombe sur Maxime. du coup, non. Max, je te jure, ah ouais. on savait même pas qu'on était au parc en même temps. Donc à l'époque, il travaillait pas encore là. Donc c'était vraiment il y a longtemps. Oui, il a pu te toucher, lui. Et on s'est touché cette fois-là, ouais. Ouais. Mais on savait pas qu'on était là. Et vraiment, mais tu sais, à un moment, je me retourne et puis il me dit, ah bah c'est ici qu'on se retrouve. Enfin, c'était trop drôle. Donc, mais c'est vrai que si vous avez, enfin, si vous ne le faites pas, faites-le de temps en temps. Ça vaut la peine de le faire. En plus, il y a un point de vue qui est super sympa. En plus, je crois qu'il y a pas, il y a des mannequins. Et je crois qu'il y a Buffalo Bill. Il y a l'histoire ouais, de. Oui, tout à fait. Bill, ouais. Hein. Ouais. Oui, donc, tout à fait. Ouais. Buffalo Bill, il est en bas, je crois. Du coup. Buffalo Bill, il est en bas, ouais. Il est en bas, ouais. À côté de la boutique. Ouais. À côté de la, juste à côté de la porte de la boutique, ouais. Et toi, Laurent, pareil, quand tu trouves ça magique quand tu rentres dans le land? Bah, j'allais le dire, c'est le seul land que quand tu rentres, t'as un truc, t'as un fort, c'est une attraction en lui-même. Et il faut vraiment prendre le temps, bah, comme vous l'avez dit, de le visiter, de prendre son temps, de regarder des détails. Et après, le matin, il est souvent fermé quand même. Hein. Le fort ? Ouais, ça, c'est, bah, il suffit que tu sais, les matins un peu à la fraîche, elles soient un peu humides. Ouais, si c'est humide, il ferme. Ouais. Il ferme parce que les escaliers sont un peu glissants. Ouais. C'est pas rare que ce soit. Mais effectivement, je suis d'accord, à partir du moment où vous rentrez dans le land, on voit pas tout de suite. C'est sur la gauche, vous avez des escaliers, vous pouvez monter dans le fort et puis. Et vous avez une vue. J'aime bien monter là-haut et t'as une super vue sur c'est BTM et le bateau. C'est juste magnifique. Mais c'est un super endroit. Je reste là un moment. Juste là. Mais si vous aimez bien faire des vidéos, des trucs comme ça, c'est un super endroit pour faire des timelapses. Hein. Oui, c'est trop bien là-bas. Et quand c'est Halloween, c'est marrant. Il y a eu Halloween, quand il y avait la soirée Halloween, à une époque, t'avais des citrouilles. Ouais. T'avais des mecs déguisés en citrouilles qui te foutaient les boules. Ils étaient dans le fort et puis ils arrivaient. J'aimais bien. Ils leur font plus ça. Non, c'est fou. C'était drôle. Ils l'ont pas fait cette année. Je sais même pas s'ils l'ont fait l'année dernière. Si, je crois que l'année dernière, il y avait. L'année dernière, si. Ouais. Donc, dans ce land aussi, il y a... On reviendra peut-être après sur l'ambiance, mais il y a peut-être deux attractions, peut-être les plus populaires de Disneyland, qui sont Phantom Manor, pour nous. Ouais. Le Manor hanté, enfin, la maison hantée, parce qu'il y a plusieurs noms dans les autres parcs du monde. Et Big Thunder Mountain, qui sont pour beaucoup dans le top 5 des attractions préférées des guests. Je pense que BTM, ça doit être même le top 1, hein, quand tu vois l'affluence des gens. Pour un guest lambda, je pense que c'est dans le top 1. Tu crois ? Moi, c'est possible. Ouais. J'aurais dit Phantom Manor, mais... C'est assez partagé, en fait. Ouais, c'est un peu entre les deux. Il y a beaucoup de Phantom Manor. En fait, un enfant ne peut pas forcément faire... BTM, du coup, les parents vont plutôt aller sur le... On est petit, parce qu'à partir de 4-5 ans, tu peux faire BTM, quand même. Bah, non. C'est une question de taille, hein. C'est pas une question d'âge. Ouais, c'est un mètre, c'est ça. 1m02. 0,4, je crois. 0,2, ouais. C'est précis. Mais il aime la précision, Tony. Non, mais c'est question d'assurance, hein, les trucs de taille. Mais en même, t'as même le... Moi, il y a un truc que j'adore faire aussi, c'est le Molly Brown. C'est génial. On va parler de Mark Twain aussi en fin de... Oh, petit ange parti trop tôt. Il y aura un petit chapitre à la fin des choses regrettées du land. Tu veux dire un félin qui fait des grimaces ? Un chapitre. Ok. Oui, elle est pas mal. Elle était pas ouf, mais bon. Ça passe. Allez. T'as fait mieux, Tony. J'ai fait mieux. Donc, les attractions. On va parler de celles qu'on voit en premier, en fait, quand on arrive à Frontierland, qui va être donc bien sûr Big Thunder Mountain. Le stand de popcorn. Aussi, c'est vrai. Quand il est ouvert, c'est pas très vrai. Est-ce que tu comptes pas le fort comme une attraction ? Parce que je crois que DLP compte le fort comme une attraction. C'est une attraction, t'as raison. C'est une attraction. Enfin, je sais pas un spécialiste. Mais c'est pas la première chose que tu vois, à la limite. Oui, c'est vrai. Quand tu vois par la porte, tu vois tout de suite BTM, tu vois pas le fort tout de suite. Ouais. Non, tu vois aussi la chariote. Tu vois même la chariote juste en face pour le café du matin avec. C'est vrai. Ouais. Bah, après, vous avez autre chose à dire sur le fort ? On peut détailler le fort. Hein. Moi, ça me va. Hein. Non, on était sur le café là. Non, mais le fort, je veux dire. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas, mais en fait, si tu veux voir très sympa. Les conquérants de l'Ouest, ils y sont. En plus, il y a toujours des petits brides de comment. Des fois, tu entends les personnages parler. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Voilà. Il y a les longues vues aussi. Dans les deux tours, il y a les longues vues qui sont sympas. Voilà. Et puis, même quand tu es au-dessus pour faire des belles photos de Frontierland, tu te mets au-dessus, tu sais. Du coup, tu peux prendre une belle photo, t'as une superbe vue et tout. Et... C'est quelque chose qui est plaisant. C'est... Et puis la nuit, c'est beau aussi, puisque en fait, t'as les luminaires qui sont là, qui font quelque chose de magnifique, quoi. Et le fort, moi, me fait penser que le. Bon, c'est peut-être bête, mais ça me fait penser que le fort, vu que c'est une histoire, ça me fait penser que le fort a été créé avant tout ça, tu vois. Avant BTM, avant la ah ville. Oui, d'accord. Oui, oui, avant, oui, effectivement. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, vu que le fort il s'ouvre, c'est que le fort a existé et puis toi tu rentres. Ouais, ça a été un fort et après ils ont entre guillemets cassé le fond pour faire la ville, quoi. Ok. Et ouais. Et que voilà. Et du coup, je trouve ça bien. Et en plus, tu sais, tu vas à droite, t'as les boutiques, à gauche t'as les restos et ils sont collés au fort. Tu vois, c'est la continuité du fort. Et puis tu sais, ça rappelle la conquête de l'Ouest, mais aussi, tu sais, moi, je suis fan de tout ce qui est, des émissions de télé-réalité, là, que tu vois sur, je sais plus quelle chaîne documentaire, des mecs, des trappeurs de Canada, du Canada, c'est des forêts canadiennes et tout. Et en fait, tout me fait penser, tu sais, à la chasse, à la pêche, tout ce qui est trappeur, quoi. Ouais, c'est ça, parce que c'est toutes les boutiques, c'est les équipements qu'ils ont pour aller dans le Grand Ouest. T'as des fausses peaux de bêtes, t'as des vêtements, etc. Enfin, c'est, on espère que c'est des fausses. Quand tu regardes, on n'a pas d'autres endroits. Non, c'est comme le squelette du cheval, c'est un vrai. Le squelette du cheval. La fameuse rumeur. Voilà. Mais si tu veux, quand tu continues, pour moi, le fort, c'est pas que le fort quand t'arrives, c'est aussi. Les restos à gauche et puis les boutiques à droite, c'est la continuité en fait. C'est vraiment la continuité. Et pour moi, en fait, t'as pas d'autres éléments de décor vraiment du Far West que là. Parce qu'après, c'est des paysages. C'est pas. Voilà. Ouais, c'est vrai. Juste... Oui, parce que même quand tu vois Phantom Manor, le style est pas vraiment un style Far West. C'est déjà plus moderne. C'est un manoir d'époque. Quoi, c'est un manoir d'époque, milieu 19e siècle, quoi. Ouais. Donc, avec l'architecture et tout, ça me fait pas penser au Far West. Tu prends juste une photo du manoir, tu te dis pas que c'est un manoir du Far West. Ouais, c'est vrai, tu pourrais le mettre ailleurs, effectivement. Bah, ça se marie quand même très bien avec le Land, hein, je trouve. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, après l'histoire. Il peut faire plus moderne aussi, quoi. À la limite. Ouais, moi je trouve que ça passe. Moi. Mais chez nous, il est à Frontierland, mais dans d'autres parcs, il n'est pas dans Frontierland, il est dans Fantasyland. Il est à Fantasyland, à New Orleans Square. Dans les parcs asiatiques essentiellement. Ouais. Il est à New Orleans Square en Floride, je crois, si je me souviens bien. Oui, donc tu vois, c'est pas le manoir, il est pas. Enfin, pour moi, c'est pas ça qui représente vraiment la conquête de l'Ouest de Frontierland. Après, je suis trop exigeant en fait. Pour moi, c'est vraiment BTM et BTM. Qui représente vraiment la conquête de l'Ouest. Oui, c'est BTM, tout à fait. Ouais. T'as raison, donc, c'est BTM. Parlons de BTM, justement. Donc, c'est pour qui ici c'est l'attraction? Abréviation de Big Thunder Mountain. Oui, la montagne du grand tonnerre. Voilà. Ou alors pour les francophones, le train d'Amine. Non, personne dit le train d'Amine. Le train d'Amine ou. Les gens bien ne disent pas le train d'Amine. C'est comme la maison des poupées. Oh non! Imagine un mix entre la maison des poupées et le train de la mine. Le train de la maison des poupées. Voilà. Ouais, tu fais une attraction hybride, ça serait pas mal ça. Il y en a une qui a fait ça, elle est sortie du bateau. Elle a... Non, pardon. Oui, c'est vrai, c'est l'actualité. Donc, Big Thunder Mountain, qui est l'attraction donc, principale de Frontierland, qu'on peut appeler un coaster. Montagne russe, c'est peut-être un peu exagéré. Qui traverse une mine d'or abandonnée. Il fait référence à la ruée vers l'or, comme on disait tout à l'heure. Donc, cette attraction, comment dire, je ne trouve pas mes mots. Cette attraction, comment vous la trouvez est-ce que vous avez l'impression d'être immergé dans le Far West? Alors, enfin, parce que moi, je trouve que c'est un peu le problème. Oui, il y a déjà un très bon jeu de mots à faire, c'est qu'on est immergé parce qu'on passe sous l'eau. Oui, déjà. C'est la seule BTM au monde à passer sous l'eau, oui. Ouais, ouais. Et déjà rien que ça, je trouve ça vraiment bien. Honnêtement, moi je la trouve pas mal. Mais honnêtement, la partie que je trouve la plus immersive, c'est la file d'attente en fait, avec tous les petits détails qu'il y a partout, etc. Je trouve ça un peu. Ah ouais, moi je trouve que ça fait parc à bœufs, moi. Bah ça fait parc à bœufs, mais si tu regardes les détails mets une note de paille, je la broute, quoi. C'est. Non, mais tu vois, quand tu regardes les détails de tous les décors, etc., c'est... Oui, parce que oui, la file est bien détaillée quand même. À Frontierland, après, la particularité, c'est que les décors que vous voyez dans les attractions et dans les files d'attente, et notamment le tracteur qu'il y a en face de BTM, Big Thunder Mountain, pardon, c'est des vrais tracteurs. Enfin, tous les détails des décors sont de vrais accessoires de l'Ouest américain, en fait. Oui, c'est ont été récupérés les Imagineers, je crois. Ah, ouais. Si je dis pas de bêtises. Et comme on disait tout à l'heure, c'est une attraction qui a une histoire aussi. Parce qu'on parle de Frontierland qui est une histoire, mais cette attraction a une histoire à elle-même, puisque qui est reliée au manoir. Mais manoir, l'idée, c'est que, en fait, on va dire que la ville, c'est Henry Ravenswood et sa femme Martha, accompagnée, je crois qu'il y a leur fille Mélanie, voilà, qui est là, voilà. Et en fait, Big Thunder Mountain appartient à Henry Ravenswood, qui est un gisement d'or. On va dire ça, voilà. Et ce gisement d'or est en activité alors que les Indiens estiment qu'elle est maudite à cause de l'oiseau tonnerre. Voilà un peu l'histoire de. Et alors, je crois qu'il y a, que nous qui avons cette histoire-là. Je crois pas que les autres. Landley, d'ailleurs, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de. Voilà. C'est le seul. Mais on est toujours dans une histoire en particulier. En fait, on est à la fois. On n'a pas dit, c'est dans la ville de Thunder Mesa, tout ça. Ouais. En fait, oui, c'est carrément une petite ville. De l'eau. En fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque élément de cette zone-là du Land est rattaché, par exemple, la boutique en face. Si vous regardez, donc, dès que vous rentrez en face de la sortie de BTM. En fait, cette partie-là, sur la droite, donc dès que vous rentrez dans la boutique où il y a la partie bonbon, vous regardez à droite, et là, en fait, il y a un espèce de monde charge. Et là, c'est d'autres mineurs qui avaient créé un puits parallèle pour aller eux-mêmes creuser dans la mine. Et Henry Ravenwood les a fait fermer, puis il a arraché la boutique, etc. Donc, vraiment, tout ça, c'est plein de petits détails qui sont liés. Et puis, bon, après, il y a la malédiction. Je pense qu'on y reviendra quand on parlera de Phantom Manor. Oui, la malédiction, notamment de. Qui a créé un tronc de terre. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous allez à Phantom Manor, là près des tombes, vous avez les portails qui sont à moitié écroulés. C'est dû au tremblement de terre qui a été provoqué par le dieu du tonnerre. On parlait d'activité tout à l'heure, mais si vous regardez bien, alors c'est à la fois dans l'attraction, mais aussi, je crois, à l'extérieur. Je ne suis pas sûr de moi, parce que vu que j'y suis pas souvent en Frontierland, mais on voit le nom de la société d'Henry Ravenswood qui s'appelle la Big Thunder Mining Company. Mining Company, oui. Exact. Voilà. Vous avez de temps en temps des références à ça. Avec son bailleur, il y a un logo particulier. On a parlé de Mélanie ou pas, de la fille de Ravenswood? On l'a parlé tout à l'heure, mais on l'a évoqué. On l'a évoqué, je ne sais plus, justement. Ouais. Parce que c'est lié. Bon, alors, cette attraction. Sensationnelle, non, quand même? Oui, elle est bien. Moi, je ne m'en lasse pas. Je pourrais la faire 12 fois par jour. C'est beaucoup, 12 fois. Ah bon? C'est surtout qu'il faut à peu près 12 heures pour la faire 12 fois. T'as pas assez de la journée du parc. C'est ça, avec les temps d'attente. Bah, si, le matin, si t'arrives tôt. Ouais, le matin, ça va. Tu peux le faire 2-3 fois déjà. Ouais, aux heures de magie en plus, il t'arrive. Tu fais. Tu peux. Mais le matin, c'est le café. Donc, du coup. Ah, moi, c'est le BTM direct. C'est BTM puis café. Voilà, c'est exactement ça. Et voir deux fois BTM, parce que quand t'as vraiment personne... Est-ce que tu crois qu'on peut faire café BTM en même temps? Ça peut être pas mal, ça. C'est interdit, je crois. Mais c'est le sujet de la prochaine vidéo d'Olivier. Je voulais le faire en vidéo, tu vois. Manger un paquet de popcorn en faisant BTM, tu vois, sans en renverser, par exemple. C'est chaud. Là. Mais c'est assez interdit. C'est interdit, oui. C'est normal. Laurent, cette attraction... Peut-on se baigner dans le lac? Je sais pas. Bah, faudrait essayer. Écoute, je te propose de tenter la prochaine fois que tu y vas. On fait une vidéo défi la prochaine fois si tu veux. Oui, j'aimerais avec mon maillot de bain. Je saute dedans, plouf. Donc, Laurent, cette attraction, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu l'aimes beaucoup aussi, je crois. Ah oui, je la kiffe vraiment et je vais un peu répéter ce que Tony l'a dit. C'est la file d'attente, moi, que j'apprécie énormément. Alors, bon, c'est sûr que nous, cette attraction-là, maintenant, on la connaît parce qu'on compte plus le nombre de fois qu'on en a fait. Mais je me rappelle bien, les premières fois que je suis venu, j'étais vraiment émerveillé par les détails qu'il y avait dans l'attraction, enfin, la file d'attente. Et je remarquais toujours sur les plaques, parce que c'est des plaques authentiques qui sont amenées, et il y a toujours le nom les noms de la ville où, d'où ça venait et tout. C'est vraiment une invitation au voyage dans l'Ouest américain, et pas que aux États-Unis, parce qu'il y a, y a des plaques, je crois que c'est pas forcément l'Ouest. Il y a, je crois que j'ai vu Chicago, bon c'est pas l'Ouest Chicago, mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment une invitation vraiment à ce qu'on aime des États-Unis, quoi. Bon, je pense qu'il faut aimer les États-Unis pour apprécier cette attraction. Mais voilà, moi c'est la file d'attente, je l'apprécie énormément. C'est... Après, bon, l'attraction en elle-même, elle est top. J'adore, évidemment. Les décors, moi j'adore tout. J'en parle même pas, hein, la montagne, les virages. Ouais, je préfère de nuit, j'aime bien. Ouais, j'aime bien la faire de nuit. Bien, je préfère la même de nuit que de jour. Bah, t'as une sensation de vitesse en plus. T'as l'impression que ça va plus vite. Ouais. Oui, c'est différent. En fait, faut le faire. C'est l'attraction différente la nuit. T'as pas les mêmes sensations. Différente la nuit. Différente, ouais. Ouais, c'est totalement différent. Moi rien que d'en parler, en fait, ça me donne des frissons. Moi, l'ambiance, les bruits aussi. Tous les bruits qu'il y a dans la file d'attente. T'as envie d'y aller. C'est... Non, mais il y a beaucoup de bruits, des bruitages. C'est très riche en bruits. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Mm-hmm. Et puis, le fameux sifflement du train, moi, ça met dans l'ambiance. Hein. C'est pour ça que j'ai mis le générique. Et c'est ça aussi, la voix du cowboy crooner, tu sais, j'adore. Ah c'est, oui. Accrochez-vous à vos lunettes. Chapeau et bonne suite, car cette randonnée promet des tas plus dingues. Ouais, puis quand les. Tu vois, j'adore cette voix-là. Ça t'immerge aussi, tu vois. T'as envie de la faire. Quand écoute, tu viens, je vais la faire. Et quand les cast members sont de bonne humeur et qu'ils font les hi-ha. Hi-ha, ouais. C'est franchement. Mais alors, du coup, j'ai pas compris. Je crois, je sais pas si c'est des codes ou pas, j'ai jamais su. Genre, oui, machin pour la gazette. En fait, c'est quand soit quand ils mettent un nouveau train en route, soit quand ils ont un changement de côté de train. Enfin, ça dépend du nombre de trains qui roulent, mais en fait, normalement, il y a un dispatch d'un côté puis de l'autre. Et parfois, en fait, il y a deux dispatchs d'un côté quand ils rajoutent un train ou quand ils en suppriment. T'es sûr de ça ? Parce que des fois, ils disent ça quand le train part, tout simplement. Non, à chaque fois, c'est quand il y a une annonce. Ouais. Quand ils crient tous en même temps, IHA, c'est vraiment c'est pour acknowledge le fait qu'il y a eu une annonce. Donc, pour dire quoi, on a bien entendu. Des fois, justement, ils crient pas tous en même temps. T'as pété le mythe. Non, je suis désolé. T'as pété le mythe. Donc, d'accord, moi, je pense. Je peux raconter une anecdote, c'est que quand vous faites cette attraction, mettez bien votre portable dans une poche qui ferme. Oui. Parce que je ne compte plus de téléphone portable que j'ai perdu là-dedans à attendre à la sortie. Ah ouais ? Et où ? Ah ouais, mais j'en ai 3-4 que j'en ai comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je les ai retrouvés. J'en suis rendu compte. Il était tombé de ma poche, effectivement. Ouais. Mais c'est l'attraction. Alors, si jamais vous la faites, surtout mettez vos portables dans le sac ou dans une poche fermée. Donc accrochez-vous à votre chapeau et vos lunettes et à votre portable. Et votre téléphone portable. Ou à votre GSM. J'ai perdu mon passe annuel là-bas. Enfin, je m'en suis rendu compte en descendant. Moi, je l'ai perdu dans Peter. C'est ma fille, l'a perdu dans Peter Pan. Voilà. Quoi ? Dans Peter Pan. C'est la loose. Il est tombé carrément. Il est tombé. Dans Peter Pan, on perd juste sa dignité en la faisant, c'est tout. Enfin... Non, tu perds 3 minutes, quoi. En tout cas. Je le dis, si vous pouvez perdre votre portable. Donc voilà, dedans. Donc, et les casses sont sympas parce qu'ils la cherchent. Ils attendent les trains qui passent et ils cherchent votre portable. Oui, non, mais moi, quand j'avais perdu mon passe annuel, je m'en suis rendu compte tout de suite en sortant. Ils m'ont dit, vous étiez à peu près dans quelle rangée Je l'avais récupéré tout de suite. Hein, donc, Moi, à chaque fois, j'ai pu récupérer parce qu'en fait, ils étaient là en train de regarder. Il y avait toujours un mec qui dit, j'ai trouvé un portable. Ah, tiens, c'est le mien. Sinon, cette attraction qui existe depuis l'ouverture, il y a eu une grosse fermeture en 2015 pendant un an. Je suis parti en dépression nerveuse. Et puis, c'était pour la rénovation de l'attraction avec des effets pyrotechniques. Ils avaient vidé le lac. Me rappelle, c'était impressionnant. Et tu voyais le lac vidé de. Ils avaient tout refait, je crois. Hein. Ils avaient tout refait, pratiquement. Hein. Ouais. Les rails, enfin, ils avaient tout refait. Et notamment, ils avaient rajouté les fameux effets qui fonctionnent de manière très aléatoire. Qui sont la fumée et les jets d'eau au moment de la photo dans la première descente en fait. Ça marche en général tout le temps. Par contre la fumée c'est quand même assez incroyable. Hein. C'est surtout qu'en fait ils ont eu un vrai problème au début parce qu'en fait c'était un tuyau qui passait et qu'ils avaient des problèmes avec le tuyau en fait. Donc elle fonctionnait pas du tout. Et c'était vraiment le tuyau qui acheminait la fumée, le produit pour faire la fumée. Ouais. Et après, ils ont trouvé une solution. Et donc là, en théorie, elle devrait fonctionner, elle pourrait fonctionner n'importe quoi. En fait. Bah, j'ai l'impression qu'elle fonctionne en général le matin. Oui, c'est ça. Ça doit tomber en panne dans la journée et après. Et là, donc, actuellement, là, au moment où nous enregistrons, c'est entré encore en rénovation pour une période de deux, trois mois après. Mm-hmm. Deux mois à peu près. Je crois qu'elle rouvre le 15 mars, un truc comme ça. Enfin, presque deux mois. Enfin, il y a besoin de rénovation quand même, parce que tu sens qu'elle tombe trop souvent en panne là. Ouais. Non, mais alors attention, on en a parlé justement les causes de panne. En fait, c'est une attraction qui forcément tombe très facilement en panne. Pourquoi ? Parce que contrairement aux autres attractions comme Phantom Manor par exemple, quand il y a un problème de flux, tu ralentis les rails. BTM ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand tu es en descente, quand tu montes dans le train, que tu montes dans une montée, le train est tracté et après il est lâché dans le vide, il n'y a rien qui le retient, il n'y a pas de chaîne, il est par son propre poids, il descend dans... Voilà. Donc ils ne peuvent pas arrêter le train. C'est-à-dire qu'il faut que les gens montent à une vitesse rapide dans l'embarcation. Parce que si ça met trop de temps, il y a un système de sécurité pour éviter les collisions entre les trains qui s'enclenchent et s'arrêtent tout de suite. Donc le moindre truc... C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, je ne sais pas si vous faites attention, ils vous pressent. Ils vous disent, allez-y. Parce qu'en fait, ils sont vraiment minutés. Ils peuvent mettre même plus de trains. Normalement, c'est étudié pour avoir un train ou deux de plus. Ce qu'ils ne font pas, parce qu'à chaque fois, les gens ne montent pas assez vite. Et donc, En fait, ils peuvent tourner à 6 trains max, je crois. Ouais, ils en mettent 4, à mon avis. Ils montent parfois à 5. Parfois, ils montent à 5. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Ça arrive qu'ils montent à 5 dans les grosses journées d'été. Parce que tu vois déjà en été les gens montent plus vite parce que t'as moins de vestes, t'as pas autant de trucs sur toi. Et en fait le truc c'est que le problème de cette attraction en fait c'est qu'elle a zéro zone de freinage. La seule zone de freinage qu'elle a c'est juste avant de rentrer en gare. Donc ce qui fait que en fait comme tu dis elle doit tout le temps être en route. Donc il y a pas moyen d'arrêter un train. En théorie ils pourraient les arrêter dans le lift mais l'attraction est pas prévue pour. C'est le système Vekoma qui a été utilisé dessus, c'est un vieux Vekoma en fait, hein, qui a été, enfin c'est le même, si vous connaissez Walibi en Belgique, c'est le même train, et en fait ils n'ont pas créé de zone de frein comme on a sur les attractions modernes, par exemple à Flight Force, ils ont une zone de frein avant de... Ouais, ouais. D'ailleurs quand tu tombes en panne en BTM, c'est forcément t'es arrêté dans une montée, jamais dans une descente, ouais, tout à fait. En fait le train il continue sa descente quoi qu'il arrive. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est assez sensible. Et puis le moindre obstacle qui tombe sur les rails aussi, tout s'arrête. Par endroits, ils ont des détecteurs, a priori. Ils regardent beaucoup, tu es très observé par les caméras. Et s'ils voient un objet tomber, ils préfèrent arrêter le train tout de suite. Donc c'est vrai qu'il y a des journées où ça tombe très souvent en panne. En même temps, c'est quand même assez impressionnant parce que c'est un train... plusieurs trains qui passent à grande vitesse, à peu près à 60 km/h, je crois, pas loin de 70 dans les grandes pointes. Et en fait, il y a tout le temps un train qui passe, quoi, du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais presque. Moi, je trouve ça quand même, techniquement, c'est quand même assez fiable. Ce qui est bien avec cette attraction, c'est pas. Vas-y. Non, vas-y. Ce qui est bien avec cette attraction, c'est pas que un train. C'est-à-dire que c'est vrai que si tu veux faire un coaster pour un coaster, autant le faire. Mais moi, ce que j'aime bien le faire, c'est regarder les détails tout autour. La grotte, tu sais, regarder les stalactites, regarder les jeux de lumière, regarder les animaux, parce que tu as des animaux à droite, à gauche. Ouais. C'est une attraction, en fait, qui t'ambiance. C'est pas qu'un coaster, en fait. Ce n'est pas qu'un coaster qu'on en parle comme si oui, il y a tant de trains, machin, etc. Mais en fait, c'est magnifique en plus. C'est les décors, là. Moi, si je vous conseillerais, c'est vraiment, si jamais vous le faites, apprécier les décors autour, voir les animatroniques. C'est vraiment sympa. Il confirme l'histoire aussi du land, donc du coup, il est thématisé par rapport à l'histoire. Donc en fait, c'est pas qu'un coaster, c'est aussi un train qui a une histoire. Voilà. Ah, tout à fait, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, c'est magnifique, et en plus, en termes de sensation, c'est, je crois, le plus impressionnant de tous les parcs Disney, et en plus, le plus beau, parce qu'effectivement, on est le seul à être au milieu d'un lac, et tu as une vue absolument sensationnelle. Quand tu descends, tu as vu sur le lac, sur le Phantom Manor, enfin, c'est sublime, quoi. Et de nuit, c'est aussi beau parce que tu vois le Phantom Manor de nuit et tout. Tu peux en voir les spectacles sur le château de nuit, ça c'est ah oui, c'est sensationnel. Ouais. C'est... Alors, je viens juste de vérifier, j'ai dit une bêtise. Donc c'est 6 trains en tout qu'il y a dans le... Maximum ? Il y a 6 trains. En fait, il y a 6 trains, mais max 5 sur le parcours. D'accord, mais je pense qu'ils n'en mettent pas 5, hein, à mon avis, d'en mettre 3 ou 4. J'ai déjà vu 5. J'ai déjà vu le 5, ouais. Mais là, en fait, c'est du coup, tu en as un dans chaque lift et les deux hangars. Quoi. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est à la fin du lift C qui démarre, bah, il faut qu'il y en a un qui parte de la gare pile poil en même temps. Donc, c'est ça. Donc voilà, ça, c'est aussi pour ça que ça tombe souvent en panne. Tu vois Phantom Manor ou d'autres attractions, quand il y a un problème, ils peuvent ralentir la vitesse des wagonnets, mais là, c'est absolument pas possible. C'est le problème des coasters de manière générale, en fait. Hein, c'est que. C'est... Enfin, tu vois, un walkthrough, un truc de bateau, bon, ils arrêtent le bateau, c'est pas grave, il y a des zones pour le faire. Mais là, le truc de... s'il n'y a pas de zone de freinage qui ont été ajoutées pour gérer le... entre guillemets, la masse de gens, bah, tant pis, il faut arrêter l'attraction. Quoi. Donc là, c'est en rénovation en ce moment, donc pour 2 mois, je ne sais pas ce qu'ils vont faire en fait. 2 mois, c'est un peu long quand même. Bah, ça va avoir besoin d'un petit nettoyage aussi quand même. Il parle d'une rethématisation sur les gardiens de la galaxie. C'est dans le thème. Bien sûr. Oh, ça serait possible à Disneyland Paris, tout est possible. Hein. Ou une attraction, nouvelle attraction Toy Story. Ah ouais, pourquoi pas. Toy Story, ouais. Des choses à ajouter sur BTM ? Laurent ? Laurent ? Bon, je pense qu'on a tout fait. Hein. Bah, je pense. Hein. Ouais. Donc, en tout cas, moi, c'est mon attraction préférée de Disneyland Paris. Je suis en dépression pendant 2 mois, je vous le dis tout de suite. T'inquiète pas, j'irai venir te faire des câlins. Oui, j'en aurais besoin. D'ailleurs, quand j'y suis allé avec Benjamin, le dernier week-end, on s'est vu, il faisait très froid. Donc du coup, il s'est collé contre moi. BTM en rade parce que tout était gelé, comme beaucoup d'attractions. Et il a rouvert quand on était au restaurant, au studio, sur les coups de 13h, je crois, à peu près. Donc, méfiez-vous si vous voulez aller à Disneyland Paris. Voilà, il est fermé de toute façon en ce moment, mais l'hiver, il faut penser à ça. Quand il fait très très froid, il y a plein d'attractions fermées, notamment à cause du gel. Ouais, c'est surtout l'hiver qui s'installe doucement dans la nuit, en fait. Hein. Oui, oui. Ok. Je vais y aller. Je vais retourner dans mon podcast, je vais vous laisser. Voilà. Donc maintenant, on va garder un peu le suspense parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui attendent qu'on parle de Phantom Manor. On est sur BTM. BTM est sur un lac où, dessus, il y a un fameux bateau qui n'est plus le Mark Twain. Le Molly Brown. Le Molly Brown, donc qui est une attraction à faire après manger. Oh oui. Bah, tu t'endors après. Oh manger. Yeah. Bah, et avec une bouteille de bourbon à la main. Et d'ailleurs, je trouve que tu as une vue sur BTM absolument sublime du bateau. Je trouve. Et c'est le seul moyen de voir le pictogramme de l'oiseau tonnerre sur la montagne. Mmh. Exact, exact. Tu peux pas la voir quand tu fais l'attraction. Ouais. Et voir les canards de plus près aussi. Ça aussi, c'est très important. C'est très important. Qui sont des animatroniques super bien faits, j'ai trouvé. Hein. J'ai pas... Les canards à Disneyland Paris, c'est bien. C'est dans la voie et tout. C'est impressionnant. C'est parce qu'ils ont des gars spécialisés dans les gallinacés, en fait. Non, mais en plus, les batteries, les batteries durent longtemps et tout. Je suis assez impressionné quand même. Les canards sont bien faits à Disneyland Paris. Oui, donc cette attraction, donc j'ai oublié le nom d'ailleurs, c'est un nom. C'est River of the Far West, je pense. Peut-être, franchement, j'ai un tout trop de mémoire. Je ne l'ai pas noté. Attends, si, c'est le nom du plan d'eau. Je crois. Hein, d'accord, c'est ça. Ouais, j'essaie de fact-checker en même temps. Alors, on reviendra après, mais avant, il y avait le Mark Twain. On en reparlera plus tard dans l'émission. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est une attraction d'une zénitude totale qui n'a pas d'équivalent non plus dans d'autres parcs, en termes d'immersion, je veux dire. C'est pareil, j'ai l'impression de naviguer dans le Far West sur des bateaux du Mississippi, quoi. Alors, c'est Thunder Mesa Riverboat Landing, pardon. Ah, voilà. River of the Far West, c'est le nom du lac, enfin de la zone, en fait, et puis c'est Thunder Mesa Riverboat Landing. Voilà. Ouais. Mais sinon, ouais, comme tu dis, c'est super relaxant, en fait. Hein. Il y a toute une période où j'ai arrêté de la faire parce que j'étais à fond, coaster. Mm-hmm. Fallait que je fasse l'enchaîne des attractions, et c'est là que je passais à côté. Et en fait, avec le Covid. On a repris le temps un peu de la faire parce que c'était une attraction où justement il n'y a pas trop de monde, etc. C'est super agréable quand il y avait le Covid. Enfin, le Covid n'était pas agréable, mais. Oui, la période quand... où il n'y avait pas grand monde. Oui, voilà. C'était du coup très agréable de la faire parce qu'il n'y avait vraiment personne. Tu pouvais vraiment te balader sur le bateau comme tu voulais. Et j'ai redécouvert cette attraction à ce moment-là, en fait. Ouais. Et c'était vraiment chouette. Oui, mais en plus, le bateau. Est... Enfin, le... Mark Twain en parlera peut-être tout à l'heure, mais le bateau est vraiment magnifique. En plus, les décorations. C'est vraiment sublime. Hein. Pareil, c'est décoré avec des... Enfin, c'est des vraies pièces. D'ailleurs, quand ils tombent en panne, c'est très problématique. Oui. Parce qu'ils sont obligés de commander des pièces. Bah, c'est surtout que quand ils tombent en panne, ils récupèrent les pièces de l'autre. Quoi. Oui, mais pas toujours. Hein. Je sais qu'il avait été tombé en panne. Ils avaient dû commander des pièces aux États-Unis et ça avait mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de pouvoir remettre l'attraction en route. Donc pareil, superbe vue sur BTM, bien sûr, et puis sur le Phantom Manor à la fin du trajet. C'est vraiment super beau, je trouve. Donc, alors on va attendre Benji. Benji ? Oui ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette attraction du tour de Moi, Bacon ? J'adore parce qu'en fait, c'est pareil, c'est une histoire. Ça a une histoire, c'est l'époque du Mississippi avec des gros bateaux à faible tirant d'eau. Ça me fait penser aux bandes dessinées de Lucky Luke que je lisais à une époque où il y a un mec devant avec une corde avec des nœuds où il comptait, comptait la profondeur. Hein. Et d'ailleurs, ils hurlaient Mark Twain quand arrivait à un certain niveau de profondeur. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Non ? J'avais déjà entendu un peu, oui. Ouais. Donc du coup, en fait, en gros, par rapport à, enfin, je suis pas un spécialiste, mais c'est l'idée de se dire qu'arriver à une certaine hauteur de profondeur, pardon, ils criaient Mark Twain les gens. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc du coup, voilà, ça fait penser aussi à tout ça. C'est vraiment bien. En plus, ça fait un petit parcours. Tout ce que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi tu vois un T-Rex en squelette, enfin, un squelette de T-Rex, pardon. Bah, potentiellement, il a pu y en avoir à l'époque. Oui, je sais bien, mais je. Enfin, je pense que c'est plus pour décorer un peu. Je crois que c'est pas pour rendre hommage au Big Thunder Mountain de Disney World. Parce que tu passes dans un squelette de T-Rex. À un moment, oui. Ouais. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. C'est pour rappeler le. Il me semble que j'avais lu ça. C'est en rapport pour un clin d'œil au Big Thunder Mountain de Disney World. Il me semble. Hein. Il me semble que j'avais lu ça. Et là, nous allons passer à l'attraction qui a beaucoup de fans hystériques, qui déchaîne les passions, qui est Phantom Manor. Donc Laurent, parle-moi un peu de Phantom Manor, parce que je sais que c'est peut-être ton attraction préférée, non ? C'est égal avec BTM. Pour moi, l'un ou l'autre, c'est... C'est impossible de ne pas le faire pendant un séjour. C'est... Phantom Manor, alors pourquoi j'aime Phantom Manor ? Ben, parce que j'aime les fantômes déjà. Et les manoirs. T'aimes les fantômes, t'aimes la nana noire, c'est... Voilà. C'est... Bah, t'as qu'à regarder Casper le gentil fantôme, voilà, t'as tout dans le film. Voilà. Voilà. Et Mélanie, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Elle est canon. Hein. J'ai peur qu'il dise autre chose. De quoi t'étais quoi ? J'ai peur qu'il dise autre chose. Non, on va pas savoir, on va pas savoir. Non, la façon dont il l'a dit, tu pensais qu'il allait dire autre chose. Coquinou. Elle est un peu froide, mais bon, c'est avec. Chez nous, les Phantom Manor est réputé pour être plus sombre par rapport aux autres parcs américains. Donc je peux pas juger, j'ai pas fait les autres parcs américains. Plus axé sur le cinéma d'épouvante. Et d'ailleurs, le manoir est très inspiré de la maison que l'on voit dans Psychose, d'Alfred Hitchcock. D'ailleurs, quand on ne fait pas attention, moi, au début, je pensais même que c'était carrément la copier-coller. Mais... Alfred Hitchcock, qu'on salue s'il nous écoute. Je suis sûr qu'il nous écoute. Donc, qui a été inspiré aussi d'un tableau d'Edward Hopper, Maison au bord de la voie ferrée. Tableau que vous pouvez trouver sur Google Images. Donc cette attraction tourne tout autour de... Enfin, elle a été un peu rethématisée suite à sa grande rénovation. Là, actuellement, c'est essentiellement axé sur Mélanie, la fille Ravenswood, Si moi, j'aurais dit sur le père, moi. En fait, c'est un peu sur Mélène. C'est sur les deux, en fait. Ils ont simplifié la storyline pour qu'elle soit plus compréhensible. Mais du coup, enfin, ouais. En fait, ils remettent le père un peu à l'avant-plan et Mélanie, il a pu. Enfin, il est. On avait plus l'impression dans la première version, en tout cas, enfin, c'est comme ça que je le sens, que je voyais, que c'était un peu une victime, Mélanie, dans le premier, enfin, dans la première storyline. Mm. Alors que ici, oui, elle est victime, mais quand même, quoi. C'est pas. C'est un peu une veuve noire, quoi. Voilà, c'est ça. Elle tue ses prétendants. Donc. Je dirais plutôt qu'ils sont maudits, pas forcément qu'elle les tue. Oui, c'est vrai. Mais elle a un côté effrayant, un côté un peu. Tu vois, à la fin de l'attraction avec le « Elle a un côté chouette, mais elle est frais. Ouais, elle est chouette. Oh, la chouette est frais. Oh, bravo. Celle-là, oh, bravo, Tony. Merci. Celle-là est exceptionnelle. Donc oui, c'est une attraction qui a énormément de succès. Ah, Benji qui nous fait voir le fameux livre. D'ailleurs, oui, il y a un livre magnifique qui est en vente à Disneyland Paris. Il est juste sur l'attraction. Ah, tu l'as, ouais. Bah, je l'ai aussi, il n'est pas là, mais je suis aussi de... Honnêtement, si vous avez l'occasion de lire ce livre, vraiment celui sur Phantom Manor, c'est le plus intéressant, je trouve, parce qu'il va vraiment rentrer dans les détails de la storyline, etc. Donc, si vous avez l'occasion de le lire, c'est vraiment un livre à lire. Super intéressant. Ouais, il est super détaillé. Enfin, ouais. il est magnifique. Oui, mais tu vois, je pense qu'il n'y a que des fans comme nous qui l'achètent. Oui, il y a des chances. C'est parce qu'il a déjà été en rupture. Oui, mais par les fans. Oui. Je pense pas qu'il soit en rupture par du guest classique, tu vois. Qui vient voir pour faire des attractions et voir Mickey. Bah, en vrai, ils s'en moquent un peu de la storyline. Hein, moi, quand j'ai des copains qui viennent une fois de temps en temps à Disney, ils veulent faire le maximum d'attractions. Hein. Ils font la maison hantée et puis c'est tout. Oui, j'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. J'ai une anecdote pour dire que les guests déjà sont pas toujours au courant de l'immersion des Landes, enfin des thématisations. J'ai vu des guests qui sont passés devant BTM qui a dit « Oh, t'as vu là, il y a l'attraction Lucky Luke. » Et ils plaisantaient pas. Ouais, mais non, mais à un moment, je pense qu'il faudrait avoir un permis pour rentrer au parc à un moment, tu vois. Ouais, abandonner, il faudrait. Mais tu vois, ça me gêne pas. Parce que je me dis, il vient pas. Rire, hein. Non, mais c'est rigolo, mais il vient pas pour. S'il vient, c'est pour les attractions, en fait. Il vient pas pour. Dans l'exemple de mon père que Laurent a vu, mon père n'était pas venu au parc. Tu l'as vu l'année dernière, Laurent, mon père. Il n'était pas venu depuis 1995. Il a demandé où était Obélix, c'est ça ? Non, non. Alors, il fait gaulois. Ramène-moi le sanglier. Mais si tu veux, il n'était pas venu depuis 1995. Et quand il est venu l'année dernière, je lui ai dit, il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Je lui ai dit, viens, on va aller boire un coup, on va aller se promener dans Frontierland, machin, etc. Et du coup, pendant une heure et demie, quand on est venu, on n'a pas fait d'attraction. Mm-hmm. Tu vois ? Et il était surpris. Parce qu'il me dit, mais tu veux pas faire un truc ? Je dis, non, regarde. Puis je lui racontais l'histoire, machin. Puis on est rentré dans les boutiques. Je lui dis, regarde les hauteurs des boutiques. Regarde les plafonds des boutiques. C'est tout thématisé. Et en fait, il a passé son week-end à regarder et à comprendre comment était conçu le parc, etc. Et il m'expliquait que quand il était en 92, 95, enfin la première fois c'était 92, il m'a dit, à l'époque, c'était la course aux attractions. Il fallait faire le maximum et t'avais 2 heures d'attente à chaque truc et il fallait faire tout de suite BTM puis après machin pour être sûr de les avoir fait les 3-4 dans la journée, tu vois. Mais c'est comme ça que les gens consomment le parc souvent. Il y a vraiment que les fans comme nous qui... Quand tu reviens après, quand il est revenu après, je lui ai dit mais c'est pas que ça le parc, regarde, c'est une histoire, machin. Le Mark Twain par exemple, je lui ai expliqué c'est une histoire et du coup je lui ai fait c'est Missy Pipi. C'est le Mississippi, nettoie les toilettes. C'est le Mississippi, c'est Mark Twain. Je fais, c'est Tom Sawyer, quoi. T'as toute l'histoire là-dessus. Alors, il a fait BTM, qu'il avait beaucoup apprécié. Voilà, mais Phantom Manor, je lui ai expliqué l'histoire et il m'a dit, ah oui, effectivement, quand tu me le dis maintenant, je me rends compte que. Ouais. Voilà. Mais si tu veux, c'est. Quand ils viennent, les gens, ils viennent faire des attractions. Moi, je suis sûr et certain que quand ils viennent, les gens, les 70%, c'est faire un maximum d'attractions et voir Mickey. C'est certain. Bah, tu sais, avant, quand j'allais pas souvent... C'est pas courir après les 1000 exemplaires de clés. c'est pas faire la queue. Que nous, on va plus vers ça parce qu'on y va souvent, en fait. Non, on le consomme différemment, en fait. Oui, c'est ça. Différemment. Mmh. Bah, moi, avant, au début, j'y allais pas toutes les semaines, j'y allais... Ce qui aurait été sympa, c'est que t'arrêtes le gars qui dit... dit que c'est attraction Lucky Luke, que tu l'arrêtes et que tu lui expliques. Non, mais tu sais que les gens sont curieux. Hein. Moi, mon beau-frère, quand tu lui expliques, il fait « Ah ouais, j'avais pas imaginé des trucs comme ça. » Donc, tu le dis, enfin... Voilà, si on a rien à battre, du coup, tant pis. C'est quand même extraordinaire. Tu vas à Disneyland et l'autre, il parle de... Ouais, mais les gens sont pas au courant, en fait, hein, des licences comme ça. Pour eux, c'est des personnages de... Ah, peut-être, oui. Oh, Lucky Luke, c'est Disney. Des trucs comme ça. Ouais, c'est possible, ouais. Donc, il y a quand même un truc qui manque par rapport... je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, il y avait la voix d'un maître de l'horreur dans l'attraction, qui était Vincent Price. On sent la nostalgie. Ouais, qu'on peut voir, qui a fait de nombreux fois Dracula. Ah non, justement, c'est l'inverse. Elle n'y était pas au début, il n'y avait que la version française, et c'est maintenant qu'ils l'ont remise. Non, elle n'y est plus maintenant. Ah si. Là, maintenant, je vais l'en remplir. Je vais regarder le livre, si tu veux. Attention, c'est écrit dedans. Elle est maintenant. Ah ouais, en fait, le truc, c'est que retiré, moi. Ils l'avaient enregistré au départ, puis ils n'ont jamais utilisé sa voix, parce qu'ils n'ont mis qu'une version française au départ, dans l'attraction. Et ensuite, ils ont réajouté, ils ont repris la voix de Vincent Price, mais par contre, ils ont retiré, du coup, la voix originale. Donc, ils ont réenregistré une voix française. Oui, c'est ça, mais il n'y a plus la voix de Vincent Price. Si, elle y est toujours. T'as les deux maintenant. Tu l'as en anglais et en français. Avant, tu l'avais qu'en français. Bah, j'avais qu'en français avant. J'ai l'impression d'entendre toujours que celle en français, moi, tu vois. Non. Je sais qu'ils ont ressorti des vieilles bandes. Ouais, c'est les vieux enregistrements de Vincent Price. Ils ont réussi à retrouver des parce que moi j'étais persuadé qu'il était il était plus présent que ça au début, donc tu vois comme quoi. Non, justement parce que t'as le magnifique There's No Turning Back. Exact. Qui est incroyable. Vincent Price pour pour les jeunes qui connaissent pas, c'est notamment celui qui fait le rire diabolique final dans la chanson Thriller de Michael Jackson. Entre autres. Pour ceux qui ne connaissent pas Michael Jackson, on peut rien pour vous. On peut rien pour vous. Vous êtes beaucoup trop jeune. Il est dans le magnifique film de Tim Burton aussi, Edward aux mains d'argent, qui est un de mes films préférés. Mais oui, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui qui crée Edward aux mains d'argent. Mais oui. C'est vrai. Ce film est sublime. Maintenant, j'avais jamais fait le rapprochement que c'était lui. Il y a très longtemps que j'ai plus vu ce film, mais Tu vois, je vais le regarder maintenant. Enfin, je le regarde. Ça fait longtemps que je l'ai vu aussi. Alors. Phantom Manor, la file d'attente. Moi, je vais parler en premier. Je trouve qu'elle est pas si bien que ça, en fait. Je pense qu'elle aurait pu être plus... Je parle de la file d'attente extérieure. Hein. Je la trouve pas sensationnelle, pas à la hauteur de l'attraction. Alors, je vais peut-être me faire... Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'elle est bien. Bon, elle est pas ouf quand même, hein. Tu compares à celle de Pirates des Caraïbes, excuse-moi. Attends, on est sur Frontier. Oui, non, mais je suis d'accord. Parce que là, je suis là à comparer à Star Tour. Ah ouais. Voilà. Ouais. Si tu parlais sérieusement, tu voudrais celui d'attente, tu voudrais c'est Star Tour, quoi. Mais non, moi j'adore. J'adore cette file d'attente. Tu rentres dans la cour. Dans la cour du manoir, avec à gauche un petit coin là où elle devait boire le thé, je pense, Mélanie. Tu montes la cour avec des escaliers en marbre, vous avez compris l'idée. J'adore. Moi, j'adore. Bah, tu sais, t'as un moment donné quand à la limite, c'est la sortie que j'aime pas, tu vois. Quand tu fais la queue, quand il y a beaucoup. J'ai l'impression de sortir de mon garage, tu vois. Mais quand tu fais la queue, quand il y a beaucoup de monde, tu sais, quand tu as moins 20 minutes d'attente, t'es dans un parc à bœufs à un moment donné. Ouais, là, c'est vrai. C'est vraiment un parc à bœufs. Hein, c'est pire que le parc à bœufs de BTM. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais il y a plus d'espace. Ouais, mais il y a rien. Parce que le BTM, t'es à la queue. Hein. Attention. J'aurais pu rajouter des petits éléments de décor, des trucs. En enfin, je sais pas. Arrête. Il y a une fontaine. Il y a une fontaine au milieu. Même les couleurs. Non, mais même les couleurs des arbres, la couleur du gravier. Enfin, tout y est, quoi. Ils ont choisi. Non, mais okay, c'est pas une blague. Chaque arbre est choisi. Non, mais c'est pas une blague. Chaque arbre est choisi en fonction de sa forme, de sa couleur. C'est pas du pin, hein, c'est pas du chêne. Ils ont choisi chaque arbre à planter à tel endroit, etc. Et moi, j'adore. Voilà. Et puis en plus, tu suis la terrasse, machin, jusqu'à arriver dans ta fontaine, il y a pas d'eau. Hein. Enfin, il y a plus d'eau. J'ai plus de souvenirs. Il y en a de temps en temps, je crois. Bah, la dernière fois que je suis passé, c'était avec Laurent, je m'en rappelle, il y avait pas d'eau. Il y a pas d'eau la dernière fois. Et en plus, j'ai envie de dire, Et en plus, t'es ambiancé. T'entends des vents. Ça, ouais. C'est, franchement, je vous trouve. Je vous trouve sévère. Attention. Trop sévère. J'ai pas dit qu'elle était bonne, la file d'attente, mais je trouve qu'elle est pas au niveau du reste. Bah, moi, j'aime bien. Bah, je trouve qu'on est carrément ambiancé dès qu'on rentre. Bah, pas dès quand tu rentres, t'as les casse-membres qui sont là, dont certains jouent un rôle. Bah, c'est pas la file d'attente. Bah, si, dès que tu rentres, c'était temps, hein, des fois là. Oui, bah, t'attends moi. Bah, oui, hein. Non, mais moi, je te parle, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que dans ce cas-là, si tu veux remonter, sinon, tu peux remonter jusqu'à là. T'attends sur Main Street, hein. Les casse de Main Street, franchement, ils sont bien. Tu remontes super haut, quoi. Bon, une fois, j'étais joué faire Phantom Manor, je me suis retrouvé à Coco. Oh la vache! La file d'attente, le thème était pas terrible. Par contre, les margaritas dans la file d'attente, c'était sympa. Hein. Ah, bonne idée. Sur 5-6 mètres. Non, mais je vous trouve extrêmement sévère avec cette file d'attente. Moi, j'adore. Non, je ne dis elle pas m'immerge. Non, elle m'immerge. Tu peux pas dire que la partie parc à bœufs, elle t'immerge. Mais si! Mais si, parce qu'il y a la fontaine, du coup, comme elle déborde. Mais il n'y a pas que la fontaine, il y a le son. Mais non, mais il y a le son, il y a le bruit, il y a les arbres qui jouent autour. Non, le son, tu ne l'entends pas vraiment là. Je vous trouve extrêmement sévère. Je dis pas que vous avez. Non, mais vous êtes de mauvaise foi, monsieur. Non, je vous trouve extrêmement sévère. La preuve, dès que je vous contredis, vous me donnez raison en disant c'est vrai, on est ambiancé par le son. Oui, mais plus à la fin. Mais non. En première partie, la parc à bœufs, enfin, je. Mais bon, parc à bœufs. Excuse-moi, mais ça fait moins parc à bœufs que le BTM où t'es à la queue le bœuf, où t'es limite à sentir la nuque de ton voisin d'en face que tu connais même pas. Excuse-moi. Là, c'est pareil. Hein. Tant que c'est la nuque, ça va. Heureusement, j'ai mis queue à la fin parce que ça fait autre chose. Oh là là, mon Dieu, non, pitié. Mais pour dire, c'est que moi, je suis immergé dès que je rentre, en fait. Et il y a une zone, je vois, c'est ça, c'est la zone intermédiaire, là. Avant que tu prennes la terrasse en bois. C'est ça là que tu veux dire. Bah, moi, je l'aime oui, bien. Oui, le tout début, tu sais, quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, ils ouvrent une zone qui est rarement ouverte parce qu'en fait, il y a un débit qu'on avait fait l'autre fois avec Laurent, où tu as un circuit vraiment. Bah, comme quand il y a les jours où il y a le plus de monde, tu es un parc à bœufs, tu es les uns sur les autres, comme à BTM, je suis désolé. Je ne trouve pas. Je vous trouve extrêmement sévère. Tu as fait cette on l'a fait très rarement cette partie de file d'attente parce qu'il y a tellement un bon débit que c'est rare. Hein. Bon. Non, bah, moi j'aime bien. Après, oui, tant mieux. Alors, ça c'est de l'argumentation, tant mieux. On va juste peser sur la file d'attente pour mettre tout le monde d'accord. Il n'y a pas de bague dans la file d'attente, ok ? Ça c'est aux États-Unis. Il faut le dire. La bague c'est ou c'est quelqu'un qui l'a perdu. Ou c'est quelqu'un qui l'a perdu, à ce moment-là, vous pouvez la récupérer, la revendre pour le prix. Il y a une histoire de bague aussi pour la file d'attente de Pirates des Caraïbes, non ? Une légende sur une bague aussi, comme ça. Non, c'est une pièce. Ah oui. C'est une pièce, mais il n'y a pas non plus à Paris, et il n'y a pas de bague dans la file d'attente. C'est pas le bon parc. Il faut le dire, c'est important. C'est une légende. C'est pas le bon parc. Voilà. D'ailleurs, quand on... Attends, et Laurent, toi, tu trouves que ça fait parc à bœufs, toi aussi ? Cette partie-là fait parc à bœufs, oui. Moi, je veux bien argumenter. Parce qu'à l'origine, ça devait pas être ça. On devait normalement visiter des écuries. Ouais. Oui, c'est exact, ouais, dans les concepts. Et, c'est pour ça. Ouais, parc à bœufs, écurie. Si tu me demandes si ça te plaît, je dis non, ça me plaît pas parce qu'on est en dessous de ce qui était prévu. Oui, mais là, oui, d'accord, ok, mais je te parle là, maintenant. Ah ben moi je parle en global. Moi, je te dis, j'oublie quand je fais quelque chose. Je n'oublie pas le projet qui a été fait initialement. Voilà, c'est pareil quand tu vas visiter le cimetière de Boot Hill, il n'est pas fini, il devait y avoir autre chose aussi. Oui, tu vois bien que c'est pas fini, tu vois que c'était fait à l'arraché. C'est comme avec le Land of Roi Lion qu'on va avoir, il devait y avoir Star Wars. Voilà. Hein. Non, mais arrêtez, monsieur, arrêtez. Non, mais après, voilà, c'est juste cette partie-là, voilà. Je trouve, qui est un petit peu en dessous. Mais de toute façon... C'est un peu léger, les décors, quand même, très léger. Ouais, mais en même temps, tu regardes bien, quand tu prends Pirates des Caraïbes, le tout début, quand t'as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, c'est un parc à bœufs aussi. Mais non. Le tout début, si. Mais pas du tout. Les uns sur les autres. Le principe de cette attraction, le principe de cette salle, de cette attente, le sol est de quelle couleur ? Couleur sable. Voilà. C'est donc t'étais en plein. Oui, mais couleur ça parce que quand tu attends, non, tu on n'est pas sur Aventure Island, mais si tu veux, quand tu arrives à moi, je suis immergé dès que je passe la pirate ou le casse member à l'entrée. Dès que je suis immergé, parce que je viens de la plage vers un fort attaqué, tu vois. Je suis immergé, tu vois. Oui, non, ouais, bon, d'accord. Faudra faire un. Un débat là-dessus. mais si tu veux. Oui, non, mais. Non. J'ai moins cette impression. Je vous trouve extrêmement. Ouais, et sévère avec. Voilà. Bah, t'as quand même que des barrières. Coup, t'as quand coup, même tu... que des barrières alors, en fer autrement. Qui font pas très pirate. On va, hein. On va faire autrement. Pour le... Non, mais c'est bien de. Même moi, ça se trouve, je peux te dire autre chose autrement. Mais tu adores Phantom Manor. Tu rentres. C'est la partie que tu parles, parce qu'il n'y a qu'une partie dont tu parles, c'est cette partie qui a mis hauteur avant de rentrer. Oui, on y va très rarement en plus, donc c'est pas grave. Voilà, déjà. Mais tu verrais quoi alors, du coup, comme fil d'attentat à cet endroit? Bah, que proposes-tu? Des statues qui parlent, des trucs un peu. Des statues qui parlent, pourquoi? C'est pas dans le thème. Si, c'est dans l'attraction. C'est au niveau du cimetière, mais c'est dans le cimetière. Tu vas pas mettre des statues qui parlent dans la cour du manoir. C'est dans le cimetière, quelles sont les statues qui parlent? Ben, je sais pas, mais d'après ce que j'ai vu, enfin, on n'est pas là pour parler des États-Unis, mais il y a plus de. Tu peux en parler, frontière. L'ambiance. Oui, non. Du coup, tu verrais quoi comme file d'attente à cet endroit-là? Bah, par exemple, la fontaine qui la laisse pas vide, déjà, qu'elle fonctionne, premièrement. Tu réponds pas à la question. Bah, si, je réponds à la je question. Je ne te demande pas de dire qu'il y a un défaut là, il faut qu'elle soit réparée. Si tu non, arrives, mais je pense que ce serait. En fait, je suis chiant, hein, mais. Intéressant. Mais. Ce que je trouverais bien à cet endroit-là, tu vois, c'est que ce soit un peu comme la deuxième zone, donc la file vraiment quand tu montes vers le manoir, où t'es pas que dans des serpentins comme ça, tu vois. Si la file était un peu plus aérée, je pense que ce serait déjà plus sympa, où t'aurais plus du décor. Du bois, pas des barres en fer, quoi. Voilà, ah oui, ça. Voilà. Là, oui. Tu vois, moi, c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que toute la première partie où tu commences à monter, où il y a le petit gazebo, etc., c'est magnifique. C'est incroyable, t'as l'impression d'être dans le jardin, etc. Tu passes dans cette zone un peu par cabeu, je trouve que là, tu tombes vraiment sur un truc qui est. Pas. Alors, on est d'accord, techniquement, ils n'avaient pas trop le choix que de mettre ça. Il faut bien avoir une zone par câble. Oui, parce qu'il faut du débit. Il faut du débit, c'est normal. Et après, tu repasses sur la partie où tu montes, et là, tu as vraiment un crescendo qui monte vers le manoir. Et en fait, c'est ça qui est décevant. Je pense que le reste serait que du par câble, mais je pense que ça passerait mieux. Mais là, je trouve que c'est un peu décevant par rapport au reste. Oui, non, bah après, effectivement, c'est une zone où on n'y va pas souvent, heureusement. Donc, Oui, heureusement. Et puis, quand on y est, ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Le débit est vraiment exceptionnel dans cette attraction. C'est vraiment bien. Bah, je crois que c'est 2000 personnes à l'heure, un truc comme ça. 2200 personnes à l'heure, je pense. Donc c'est quand même un gros débit hein, pour un dark ride comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, c'est puis de toute façon, là, effectivement, à partir du moment où on arrive aussi, qu'on a la vue sur le lac et sur Big Thunder Mountain, c'est absolument splendide. On entend, on voit aussi de l'extérieur, ça c'est avant de faire l'attraction, où vous avez des volets qui bougent. Oui. Les simulations de mouvement de volet par le vent. On entend les comment ça, craquer. Simulation? Bah oui, le volet, c'est mécanique. Comment ça? C'est comme les canards sur le lac, c'est des robots. Et on arrive devant la fameuse porte, effectivement. Donc moi, j'aime bien arriver, comme on a eu le cas l'autre fois avec Benji, quand la porte est fermée, en fait. C'est Et mieux. Puis, que de rentrer directement dans... à la salle du pré-show, parce qu'on sent une ambiance, une petite angoisse, une atmosphère, et quand le cast ouvre la porte et qu'il fait très bien son travail, son job... Ça dépend qui, ouais. Parce que des fois tu rentres, allez-y, rentrez, ouais. Et puis... Ouais, c'est ça. Mais il y en a des très très bons, et qui te mettent tout de suite dans l'ambiance, et on rentre dans... T'imagines-toi, dans le pré-show, un DJ. Oh, putain, ça serait trop bien. Avec des jeux de lumière et tout, t'es bien, là. C'est cool. Non, je pense que ça colle pas au thème. Non, mais juste une soirée ici. Ouais, ça pourrait juste être. Juste une soirée, non, mais je dis pas juste une soirée. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être. Avec un buffet au fond ça à droite. Dépend, là. Si c'est Gasper qui mixe. Ouais, c'est mixe. C'est vrai que, comme tu dis, c'est que t'as cette porte-là, et puis ce qui est incroyable, c'est dès que tu te tournes, t'as la vue sur BTM. Ah, ouais. C'est magnifique. C'est beau. Dès que tu te tournes, en fait, c'est d'un coup, quoi. C'est tellement ouvert comme endroit. C'est comme quand tu arrives avec le fort, c'est vachement ouvert. Là, c'est pareil. Dès que tu tournes, c'est tellement ouvert, tu as l'impression d'être à ciel ouvert. Donc, et par contre, pourtant, tu es dans un endroit restreint, en fait. Tu es devant l'entrée. C'est absolument sublime. Donc, on arrive dans une salle avant la salle du Stretching Room. Qui a un nom cette salle d'ailleurs, je sais même pas. Stretching Room, c'est là où on fait son yoga. Ouais, c'est... Ouais. Elle est pas mal. Merci, non, elle a pas de nom cette salle particulière, je crois. Je crois pas. Non, je pense ça m'a échappé. Bon, mais... c'est l'entrée, quoi. Oui, c'est, voilà, c'est l'entrée. C'est comme Parc à deux, c'est pareil. Le nom technique, c'est l'entrée, quoi. Et on arrive dans la fameuse salle après. Attends, juste pour information, vas-y. Pour ceux qui ont des enfants. Et qu'en fait, des fois, il y en a qui vont quand même avec leurs enfants. Et que les enfants, ils ont un peu peur. Vous inquiétez pas, parce qu'en fait, dès la salle du pré-show, donc quand vous arrivez, quand les portes s'ouvrent, que vous arrivez, et que ça commence déjà à peu parler, à faire un peu peur, il faut tout de suite prendre un casque et dire mon fils, mon enfant ou ma fille a peur. Et ils vous sortent par une porte de derrière. Oui. Qui est derrière. Ils attendent juste qu'en fait, que les gens soient dans l'ascenseur. Parce que si tu ouvres, ça fait soleil, donc ça gâche l'expérience. Tu restes juste et ils te sortent par là. Donc pour ceux qui ont des enfants, je préfère le dire parce que des fois, il y en a qui pensent une fois que tu es dans le pré-show, après tu peux plus sortir. Non, tu peux sortir. Voilà, je préfère le dire. C'est le cas dans, non, tu fais bien. C'est dans le cas dans toutes les attractions, y compris BTM. Hein. Au dernier moment. Ouais, il y a les chicken exit. Moment, il vous faut. Non, tu n'as pas de chicken exit. Enfin, BTM quand tu ne veux pas le faire. Oui, BTM, tu traverses. Mon fils, une fois, tu traverses le train en fait. Et puis, ouais. Ouais, bah là c'est donc juste pas la de panique pour derrière qui vient, voilà. Toutes les attractions c'est prévu. Ouais. Parce que déjà ça met dans l'ambiance dans le pré-show et si vous avez vos enfants qui commencent à avoir peur, qui se met à pleurer et que vous le sentez pas, ben faut juste laisser les gens rentrer dans l'ascenseur le cast member reste là, il dit ben voilà mon enfant a peur, vous sortez pas par l'entrée, vous sortez par une porte qui est un peu plus derrière. Ouais, je vois. Mais c'est voilà. Bon à savoir effectivement. Une petite information. Même chose avec It's a Small World. Hein. Si vous avez peur au dernier moment, vous pouvez demander. Vous demandez à une dame qui va mettre ses pieds dans l'eau et qui va porter vos enfants de l'autre côté. Et qui, malgré voilà, les annonces l'horreur. Faites, va le faire au péril de sa responsabilité. C'est un truc de dingue, cette histoire. Donc voilà, donc, bon, on va avancer quand même parce qu'on est déjà une heure de podcast. C'est bien. Oui, c'est bien. On a encore des petites choses à voir. De toute façon, je pense qu'on fera un séjour, un épisode spécial Phantom Manor avec des fans du Phantom. Ça peut être parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de cette attraction et il y a énormément de choses à détailler. On pourrait en parler. Déchaîne les passions. De choses à dire. Ouais, on peut en faire un podcast dédié. Ça, c'est pas un souci. Donc, on arrive dans la fameuse pièce de gymnastique Stretching Room. On voit même la gymnastique d'ailleurs. La salle s'allonge d'ailleurs. Avec son legging. Voilà, avec son legging. S'allonge là. Alors, donc cette salle est mythique. Elle est commune, je crois, aux attractions américaines aussi, je crois. Mais on... avec des différences, mais c'est le même principe. Nous, elle descend, que c'est pas le cas dans toutes les versions, en fait. D'accord. Dans les autres, elles descendent pas tout le temps. Non, en fait, par exemple, en Floride, elle descend pas parce que c'est une zone marécageuse, donc ils peuvent pas creuser. D'accord. En sous-sol. Donc c'est celui qui monte. D'accord. Ok. D'accord. Donc ça met tout de suite dans l'ambiance. Après il y a donc ça vous raconte l'histoire du Phantom Manor en fait, avec une voix qui a été changée aussi par rapport à la première version, qui a fait beaucoup polémique à l'époque. Bon, après moi j'aime bien cette voix-là. C'est une voix d'un doubleur connu. J'ai oublié son nom, enfin bref, c'est pas grave. Tellement connu que j'ai oublié son nom. Voilà. Non, mais en fait, c'est une voix que t'entends tout le temps. Hein. C'est, oui. J'ai pas retenu son nom. Vous trouvez que c'est réussi cette salle par rapport à avant? Moi, j'ai un regret des anciens tableaux en fait. Pareil. Toi aussi? Ouais. Je préférais l'ancienne version. En fait, j'aime bien le nouvel effet qui a avec les prétendants qui disparaissent. Oui, les prétendants, oui. Mais par contre, je préférais l'ancienne version. Ouais. C'était un peu plus sympa. Enfin, c'était plus poétique, je trouve, avec la fille qui... Il y avait un côté un peu plus effrayant aussi, je trouve, un peu plus horrifique. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est comme je disais tantôt, c'est aussi le côté, c'était elle la victime. Que ici, c'est les prétendants les victimes. Tu vois, ça change un peu, je trouve. Bon, après, voilà, ça reste très bien. Mais... Ouais. Et l'effet à la fin où on voit c'est le fantôme de Ravenswood, je trouve qu'on le voit pas bien, moi. On le voyait mieux avant, j'ai l'impression. j'ai l'impression. On voit, on distingue. Faut connaître. Même moi qui connais le truc, j'ai du mal à le distinguer. Ouais. Alors, je pense que pour les gens qui connaissent pas du tout l'attraction. Après, tu le vois mieux dans une salle que dans l'autre. Ah ouais? Ouais. J'ai pas fait attention. J'ai l'impression qu'on voit pas bien. Enfin bref. Mais donc ouais. On arrive, les portes s'ouvrent et c'est là qu'on arrive dans une autre file d'attente qui est absolument sublime, qui vous emmène vers l'attraction en fait, qui pour moi là par contre totalement réussi, c'est une réussite totale, c'est une attraction à part entière. On rentre dans un couloir très sombre du manoir avec des tableaux hantés qui sont du plus bel effet, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, alors, les nouveaux effets sont vraiment top. C'est magnifique. Ah, Laurent, c'est sublime. C'est magnifique. Hein. Et on peut acheter ces tableaux-là aussi dans les boutiques. Justin, celui de. D'ailleurs, c'est très bien fait. J'ai dit au pluriel, non? T'as dilé. T'as dilé de la drogue. Ah, elle est drôle. Oh là là. Non, il faut pas dire ça, c'est pas bien. Si on veut faire de blagues. D'ailleurs, il est bien ce tableau, mais quand tu l'achètes, mais je trouve que le cadre fait très plastique, par contre. Ils ont un peu raté. C'est pas ça, c'est du détail. Donc après, voilà, on arrive dans les fameux. Comment on peut appeler ça ? Les œufs ? Oui, les œufs. Les Doom Buggy. Dans les fameux Doom Buggy qui vous. Dans les œufs noirs. Dans les œufs noirs. Qui se déplacent à la vitesse incroyable de 2 km/h. Pas plus, c'est vrai ? Je crois que c'est 2,5, un truc comme ça. Ah ouais, encore des fois, ils les ralentissent. J'ai essayé de retrouver, mais je crois que c'est 2,5, un truc comme ça. Ouais. Donc. Ouais, c'est 2,195 km à l'heure. D'accord. Ouais, ça va vite. Donc, c'est incroyable. C'est impressionnant. Cette attraction donc, est donc un dark ride où on va évoluer à travers ces petits œufs dans différents environnements horrifiques de ce manoir. Donc on va pas tout détailler parce que je pense que beaucoup de monde connaît l'attraction, c'est pas vraiment le but, on fera une émission spéciale. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je la fais, je découvre un détail que j'avais jamais vu. Et honte à moi, l'autre fois je l'ai fait avec Nadège, si tu nous écoutes, elle m'a dit, t'avais déjà remarqué une des premières scènes, je sais pas si vous voyez le piano. Ah, t'as jamais vu le fantôme? J'avais jamais vu l'ombre du fantôme l'ombre, ouais. Qui joue au piano. C'est vrai? Non. Et bah, ou j'avais oublié, je sais pas. Et, il faut vraiment regarder le sol à cet endroit-là pour l'avoir. Quoi. Mais, faut voir le sol. Ouais, j'avais jamais regardé le sol, ou je sais pas, ou alors je m'en rappelle plus, mais j'avais jamais fait attention. Il y avait un truc moi, que j'avais pas vu depuis longtemps, enfin j'avais jamais vu, j'ai vu je crois l'année dernière, il y a 2 ans. Je sais plus. C'était à la salle de bal sur les lustres. Au-dessus, ah ouais, les personnages. Le maire et. Ouais. Ça fait besoin de Chucky, tu sais, ouais. T'as la salle de bal, et en fait, j'ève la tête et je fais. Depuis quand ils sont là, ces trucs-là? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, en fait. Mais c'est vrai que je l'ai vu assez tardivement, hein. C'est pareil, cet effet-là, j'avais pas vu tout de suite. Hein. C'est donc, un peu comme la fumée du BTM, tu vois ça très tardivement. La fumée du BTM, quand elle marche, faut être bien placé. Oui, c'est ça. Et l'autre fois, tout le monde avait applaudi quand même quand elle a marché. Bah, tout le monde applaudit maintenant quand elle marche, c'est tellement rare. C'est tellement rare. D'ailleurs, il y a la fumée. Ouais, c'est ça. Ouais, la fumée, ouais. Le casque qui s'occupe de ça, tu sais, genre, il doit kiffer. Genre, allez, le mec, il est prêt à appuyer sur le bouton là. Et vous la volez, bah non. Mauvais guest. Ouais, tout à fait ça. Mais c'est là quand tu entends les gens dire la fumée, tu fais ah vous aussi vous êtes abonné, vous êtes passe annuel. <C'est ça. rire> Du coup voilà, mais en fait t'as raison. Par contre tu vois, c'est là où c'est révélateur ce que tu dis, c'est qu'en fait on n'a pas forcément le souci du détail. Et en fait quand t'essayes de la voir, bah tu découvres un élément de décor que t'as pas forcément. Une chose importante, pareil, si vous pouvez la faire pendant les heures de magie, quand il y a personne, quand c'est silencieux, vous entendez pas les brouhahas de la foule. C'est une autre ambiance, c'est plus la même attraction. Tu entends des sons que tu entends jamais. Ouais. Et tu as peut-être aussi la chance de pas avoir un Gugus avec son téléphone portable qui met le flash. Oh. Qui met les flashs, ou voilà, ouais, qui regarde. Alors, il y en a un au niveau de Madame Léota, il a sorti son portable. Il a mis le flash, tout le monde a hué. Tout le monde. Ah ouais. Bon, le mec n'a rien à faire. Hein. Il a quand même pris sa photo. Hein. C'était, mais ça avait gâché l'expérience, qu'en plus son flash était assez puissant, bah du coup. Oui, bah... et en plus, enfin, la photo que tu vas faire est moche par rapport à ce en que plus, tu vas faire avec le flash, quoi. Donc, par exemple, lui, sa photo est ratée, quoi. Bah, c'est comme les gens qui prennent les photos de nuit dans le parc, dans la rue, enfin dans un. Avec un flash. Ouais. Avec un flash, tu sais. Ouais. Ouais. Oui, ou des gars qui sont sur Metroid qui font une photo du château avec un flash. Mec, t'as un téléphone, ton flash il va pas à 100 mètres. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, tu parlais de Madame Léotard, bah, c'est le petit point noir. Je trouve que c'est trop sombre en fait. C'est un avec peu... la nouvelle version, oui. Ouais, tu vois même pas le corbeau, quoi. Mm-hmm. Tu vois à peine ses yeux, tu devines. Bah, non. Bon, si. Bah, change de lunettes, alors. Ah bon, tu t'arrives à voir, bien voir le corbeau, toi, Laurent? Franchement. C'est limite. C'est, ouais, je trouve que... Voilà. Tony pense comme moi, hein, je voulais pas dire. On voit, hein. Oui. On sait qu'il y a un corbeau, mais on le voit pas super bien. Quoi. Ouais, c'est un peu trop sombre. C'est un peu trop sombre, je trouve. Mais, bon, mais voilà. C'était pas sombre à la première version. Bah là, écoute, la prochaine fois, tu mets ton flash. Comme ça, tu le verras. Un flash LED, ouais. Un flash LED, voilà. Et puis, donc, bah, je vais vous laisser un peu parler. Laurent, qu'est-ce que t'aimes bien, toi, dans cette attraction? Ou ce que t'aimes pas, alors, ce qui te déçoit un petit peu? C'est la deuxième partie. Parce que je sais que cette attraction, elle a été conçue par deux Imagineering qui avaient deux visions différentes. Moi, je préfère la version sous-sol, un peu plus dark. J'aime bien le côté quand tu descends, là, tu vois les cercueils qui s'ouvrent et tout. Les dames édentées aussi, ouais. Qui te tendent la main vers toi. Ouais, voilà. J'aimerais bien qu'on vienne me choper un peu, tu vois, un bras qui vienne te choper un peu. Quand, c'est le train fantôme des fêtes foraines, ça, après. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Avec la tronçonneuse. Voilà. Avec un mec en tronçonneuse. Alors, je suis pas sûr qu'il y avait de tronçonneuse à l'époque, mais on peut tenter. Ouais. Une scie. C'est à, où ils étaient à deux, là. C'est... Ouais. Et puis, pour les séquoias géants, les troncs, là, ouais. Pour les troncs, là. Ouais. Puis j'aime bien la fille au bar aussi, en bas, là. Ah oui, d'ailleurs. Ah oui, la toute verte, là. La toute qu'est-ce verte, qu'elle fait là, ouais. La dame, en fait, c'est une serveuse? Bah oui. Bah, bon, c'est une chanteuse, un peu, non? Oui, c'est une chanteuse de cabaret. C'est une chanteuse? Oui, bon, d'accord. Oui, c'est une chanteuse. Ah, vous croyez que. Oh non! Elle fait si. Un peu un vieux métier. Ah si, c'est la... Ah mais non, non, mais non, j'ai mais non, jamais non, pensé. Bah, non. Bah, non, mais non, mais non, mais non. Moi j'ai pensé que c'était... Non, mais les gars, non mais... Vous défendez pas toutes vos attractions, là. Mais attends, là... Non mais c'est chaud, là, ce que vous dites. Non mais c'est pas ça. Boy, les c'est la maîtresse de maison à l'époque. C'est les maîtresses de maison à l'époque. Attends, c'est comme Pirates des Caraïbes, hein. Le bonhomme qui court après la bonne femme, c'est pas pour faire une partie de Scrabble. Bah si. Mais quoi? Dans l'attraction, il y a un homme qui court après une femme. Oui, bah quoi. Dans Pirates des Caraïbes, c'est pour faire quoi d'après toi? Bah lui, il veut laisser les bijoux. Un chat perché. C'est tout. Non, mais attends. Mais non, mais les gars, mais. Où est passé votre innocence? Non, mais attendez, il faut juste lire une BD de Lucky Luke quand il va dans un saloon. T'as une maîtresse de maison, une chanteuse. Oui, oui. Et d'ailleurs, tu vas au Lucky Nuggets à une époque où il chantait. Oui, non, mais d'accord. Mais t'allais au Lucky Nuggets, t'avais une femme qui avait une casque qui était habillée, oui, pareil, vrai, qui chantait super bien. Oui, oui, oui. Ce n'est pas une coureuse de rempart, monsieur. Mais je suis assez d'accord. De toute façon, il y a le piano. Ça, c'est ce qu'on dit aux enfants, ça. Oui, non, mais attendez. Non, mais vous avez perdu votre âme d'enfant. En fait, attends, ils vont dire, le manoir hanté, c'est une maison close. C'est une maison close. Voilà, c'est une maison close. Mélanie, elle essaye d'aguicher tous les mecs, voilà. Et puis, en fait, tu finis, voilà, tous maudits, voilà. T'as le père Henri, au-dessus. C'est le Mac. Non, voilà, c'est le Mac, voilà. Il distribue les billets. T'es pas loin, voilà. Donc, c'est pour ça que les esprits, ils essayent de te pénétrer. Bon, ben voilà, ce podcast vient de passer dans la catégorie explicite. Voilà, merci. Je vais être obligé de cocher la coche. D'ailleurs, cette partie Far West, moi, je l'aime bien, mais je trouve que ça sort un peu du truc quand même. Bah, complètement, en fait. J'allais répondre à ta question. Pour moi, l'attraction s'arrête avant ça. Ouais, c'est ça. Terminé. Bye bye. C'est-à-dire que j'aime pas trop ce dernier passage. Tu sors du château. D'ailleurs, tu vois que tu sors du manoir. Hein. Oui, ça n'a pas de sens. Tu arrives dehors et tu finis dans les écuries. Voilà. C'est. Mais je crois que c'est juste pour faire le lien, pour montrer que la malédiction, elle touche la ville, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça que j'interprète, mais après, oui. C'est... Oui, puis tu revois, voilà. Juste avant la fin, tu revois le chat. Tu vois le manoir au-dessus, manoir tu re-rentres dedans. Oui, mais tu finis dans les écuries, mec. Ouais. C'est pas possible. Pour moi, pour moi, l'attraction s'arrête au moment où tu sors du manoir. Et après, t'arrives dans la ville, machin. Bah, moi, je dirais que t'as quand même la partie où t'as Henri qui ricane avec le chien juste derrière. Et qu'après, quand tu commences à descendre. En fait, je pense que jusqu'à ce que. Enfin, tu vois, t'as les têtes, ça pourrait être encore les jardins du manoir. Et puis après, ouais, effectivement, quand t'arrives vraiment dans la zone du village, là, peut-être, potentiellement, ouais. Mais honnêtement, toute la partie cimetière et où t'as les têtes qui chantent, etc., avant vraiment d'arriver... À la limite, t'es encore dans la cour du... Tu vois, ouais, là, t'es encore dans la cour du manoir. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est dès que t'arrives, quand t'as le maire sur la gauche qui te montre ses clés, bah là, voilà, ouais, t'as raison. C'est à ce moment-là que je me sens plus, à la limite, en réfléchissant, voilà. Là, je peux comprendre. Mais ouais, tu finis dans le grenier, je sais plus, dans les écuries, et tu sors, t'arrives aussi cimetière. Ouais, ouais. Deuxième fois, du coup. Voilà. Mais... D'ailleurs, le... Quand on sort de l'attraction, on peut passer par le Bukil, le cimetière. Moi, j'adore cette zone du parc. Je la trouve vraiment... Mais déjà, c'est calme. D'ambiance. Ouais, c'est pas calme. Trop de gens, en général. Et puis, il y a une super ambiance. Il y a des sons. C'est, franchement, c'est... Il y a un cercueil noir où tu entends un cœur battre quand tu mets le rythme. Oui. Et puis, avec BTM qui passe et... Enfin, franchement, oui, c'est... d'ailleurs, tu entends vraiment... Tu n'entends pas les gens crier. T'entends juste le tut. Des fois, j'ai un petit peu quand même. Ah oui, t'arrives des fois. Ouais, si, mais t'entends les gens crier. Et d'ailleurs, t'as les mineurs enterrés ici. Ouais. C'est là, oui. Il y a aussi la chaîne alimentaire. Avec, oui, la chaîne alimentaire, ouais. Ça, c'est marrant aussi. Vraiment, sur la fin de Boutil, il y a 3-4 tombes là, d'animaux, ça, c'est super drôle. Et t'as même le cercueil d'Henri Ravenswood et de sa femme. Oui, tout à fait. Ouais. Mais non, c'est sublime. Ce coin-là, il a quand même un goût d'inachevé, j'ai l'impression qu'il n'est pas terminé. Ah bon? Moi, je trouve. Je sais pas, Laurent, toi, tu trouves pas que t'as pas l'impression que qu'il est pas terminé ce coin-là? Bah, normalement, il devait y avoir une construction qu'ils ont commencé, ils ont même pas fini. C'est quoi? Comment on appelle ça dans un cimetière? Attends, ça ressemble à une petite. Un petit mausolée? Oui, le mausolée? Un mausolée. Ouais. Ah bon, il devait faire un truc en plus? C'est la petite estrade en fait. Tu sais, juste au milieu du cimetière, t'as un petit. À gauche du cercueil, je crois. C'est à gauche du cercueil de. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça aurait donné. Tu faisais un gazebo aussi, on pouvait passer. T'as une sorte de petit gazebo déjà à l'entrée des. Ouais. Au début. Oui, mais je sais pas. Tu faisais un gazebo, tu mettais des musiciens qui faisaient un peu des danses macabres. Ça aurait été drôle. Ouais. Ouais, ils auraient été là 5 minutes, les musiciens, et puis après, ils arrêtaient. Ouais, bah oui. Ouais. Pardon, excusez-moi. Désolé. Ok. D'autres choses à dire sur Phantom Manor ou... Je pense qu'on a un peu fait le tour. Faites l'attraction, elle est bien. Oui, elle est bien. Voilà, c'est bien résumé. Non, BTM, bien. C'est bien aussi. Ouais. Non, mais après, elle est mythique pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Non, mais alors, c'est surtout les rencontres en fait qui la rendent mythique. Mais tu sais que comment. Je ne l'avais pas. Excellent, bravo. Là, je fais bien Fayot, celle-là. Celle-là, elle est excellente. Fayot. Oh là là. Mais alors pareil, les gens, quand ils y vont, ils font faire une maison hantée. Oui, c'est ça. Et alors, je vais revenir. On va faire mettre un fantôme. Mais quand tu expliques l'histoire aux gens, ils disent ah oui, il y a une histoire, tu l'expliques, et du coup, ils le voient autrement l'attraction après. Et c'est vrai que j'avais fait avec des amis qui connaissaient pas et j'étais dans un doom buggy avec mon copain et je lui ai expliqué, j'ai pris le temps de lui expliquer chaque scène, etc. Et puis il dit ah ouais, mais du coup ça change. Enfin, t'as une autre dimension en fait à l'attraction. Exactement, ouais. Donc c'est plutôt sympa de le faire en connaissant l'histoire. Parce que si tu y vas pour vraiment avoir peur, ça fait pas si peur que ça, quoi. C'est pas... Bon, non, c'est pas. Honnêtement, moi je l'ai fait avec ma fille, elle avait, je crois, 5 ans la première fois qu'on l'a faite. Et bon, moi j'étais pas trop rassuré de la faire avec, mais elle voulait absolument la faire, donc on s'est dit ok, on verra bien. Et au final, elle l'a faite, et depuis qu'elle a 5 ans, elle l'a fait, quoi. Moi, mon fils, la première fois qu'il l'a fait, je sais plus quel âge il avait, il était 22 je ans. Me rappellerai toujours dans. T'es un peu vieux. dans l'ascenseur, là, je le tenais dans l'éternel noir, je le tenais par les épaules comme ça, et je sentais son cœur battre. Ah oui. Il avait vraiment. Il était ambiancé dans le truc. Ouais. Et ça peut être impressionnant. Ça peut être quand même impressionnant pour les Mais je pense que c'est la limite cette zone-là qui peut faire plus peur parce qu'une fois que tu es dans les Doom Buggy, tu sais qu'il va rien t'arriver. Tu vois. C'est Disney, tu vas pas avoir un gars qui va te sauter dessus ou quoi. Donc, à mon avis, tu te rends compte que tu regardes les trucs. Mon deuxième fils, le plus jeune, il n'a pas voulu la refaire tout de suite. Hein. Maintenant, il a fait son problème, mais ouais, okay. Il était... ils étaient assez sensibles à ça, quand même. Moi, ma fille, elle avait peur que d'un truc, c'était le chien zombie. Là. Oui, c'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur, mais elle avait peur que de ça. Du coup, il fallait que je lui bouche les oeufs. Parce qu'elle voulait vraiment le faire, et je lui avais dit « Non, mais tu le fais pas, ma chérie, parce que je le faisais avant. Mm-hmm. » Et je le faisais, et je lui ai fait « Je vais voir si, t'es, si tu vois. » Je lui ai dit pendant des années « T'auras trop peur, t'auras trop peur. » Et puis un jour, bah, pareil, comme ta fille a 5 ans, elle fait « Papa, je vais le faire. » Et je lui ai dit « Papa, il pense qu'il y a un moment, tu vas avoir peur. » Elle me fait « Je veux le faire quand même. » Je lui ai fait « Je te le dis, il y a un chien qui fait peur. » Et elle me fait « Je veux le faire quand même. » Et en fait, du coup, je l'avais préparé à lui dire qu'il y avait un chien qui fait peur. Elle l'a vu, elle fait « Bon, en fait, il fait pas peur. » Bon, bah... bon, tant mieux. Tant mieux, oui. Mais bon, j'avais essayé de la préparer pour dire qu'elle savait qu'il était en ce moment-là. Mais alors, autre conseil de papa, de parents pour enfants, ne forcez pas vos enfants. Hein, parce que je pense que Tony, t'es comme moi, t'as des gamins qui sont traumatisés. Mais vraiment, c'est-à-dire que si votre enfant il veut pas y aller, ne le poussez pas à le faire. Et nous, on dire, a eu ça avec la Tour de la Terreur, elle voulait absolument la faire et tout. On dit ok, on l'a fait. Et puis au final, on dit ah, je suis pas trop rassuré. Et puis on dit oh, allez, c'est bon, t'es dans la file, tu l'as fait. Et là, maintenant, elle veut plus la faire. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais après, la Tour de la Terreur. Moi, je sais que je n'ai jamais forcé mes filles, enfin, ma fille à faire une attraction. Non. Jamais, mais vraiment, jamais. C'est-à-dire, vraiment. Et c'est arrivé une fois à la Tour de la Terreur, devant. C'était quand tu te places sur le chiffre. Ouais. Papa, je sens pas de problème. Et en fait, quand il vous fait rentrer, vous dites juste bah, ma fille veut pas le faire. Oui, c'est ça. Ouais. Ils vous font passer contre l'ascenseur et voilà, sur le côté direct. Mais le forcez pas, parce qu'en fait, il y a quand même des scènes qui peuvent faire peur. Il peut y avoir un traumatisme quand même, hein, au final. Oui. Par contre, ce qui est intéressant. Il y a un gamin qui tu vois pleurer en sortant, les parents qui l'engueulent en disant ouais, machin. Ouais, de toute façon, on viendra plus. Ouais, c'est ça, on viendra plus. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que toutes ces attractions-là, enfin, de toutes les attractions de Disneyland Paris, quelle qu'elle soit de l'attraction, vous avez le Rider Switch. Enfin, c'est le Baby Switch en France, comme ça. Ouais. Et vous pouvez, du coup, il y en a un de. Enfin, si vous êtes deux parents, il y en a un qui fait l'attraction. Pendant ce temps-là, l'autre attend avec l'enfant. Et puis après, le deuxième peut faire l'attraction. Donc voilà, il y a toujours moyen de. On va faire ça, nous, à Orlando, avec le Magic Pass. Avec le. Oui, c'est le Magic Pass. C'est le Magic Band. Avec le Magic Band. Magic Band, oui. Ouais, avec le Magic Band, on va faire ça. Ok. Ah, Orlando. Bientôt. Me réchaufferas le lit, hein, t'as intérêt. Oui. Alors maintenant, on va parler d'une chose qui va faire plaisir à Benji. Les restaurants de Frontierland. Ah, t'as oublié une attraction ? J'ai oublié une attraction ? Bah, oui, t'as oublié une. Ah oui. Le Rustler Roundup Shooting Gallery. Ah oui, non, mais c'est une attraction payante. Si vous voulez perdre 3 euros. Oui, c'est vrai. Mais ça fonctionne ? Il y a moyen de la faire gratos. Ah bon, ah bon, vas-y. C'est quoi et la combine? Bah alors c'est déjà pendant les soirées, elle est gratuite. La plupart du temps, quand il y a une soirée, elle est gratuite. Ah, j'ai jamais essayé. Si vous avez un flash, mais il faut un vrai flash, pas un truc de smartphone, vous déclenchez le flash de votre appareil photo et c'est super drôle. Oui, tout s'actionne, tout s'active. Tout s'actionne, ouais, parce que c'est juste. Pour ceux qui savent pas, ce que c'est comme dans une foire en fait où vous avez une carabine. Normalement, c'est 2 euros, je crois. Je crois que c'est même 3 euros maintenant. C'était 2 euros avant et après le Covid, ils ont vous tirez 3, sur des cibles. Et l'inflation, tout ça. Vous tirez sur des cibles et en plus, il n'y a rien à gagner, je crois. En plus. Ah non, il n'y a rien à gagner. Tu tires, il passe un truc. Après, c'est marrant parce qu'il y a des animations. Et de nuit, c'est alors, la question que je me pose, c'est limité dans le temps ou de nombre de tirs? Je crois que tu payes autant. Après, j'ai jamais fait en payant, du coup, je peux pas trop savoir. Mais je vais essayer en soirée. Là, la team Radin. Souvent en soirée, elle est gratuite. Quand elle est passe annuelle, souvent elle est gratuite. D'accord. J'ai jamais essayé en fait. Ce que tu peux faire aussi, c'est te faire surclasser au. Ah non, ça, pardon. Monsieur surclassement. Non, mais attends, je vais aller en même temps que lui, je verrai si c'est pas un mythe ou pas. Ouais, parce que. Ah, t'imagines, j'ai encore la suite quand on y va ensemble. Ah, ce serait trop drôle. Donc voilà, je crois qu'on a tout fait en attraction cette fois-ci. Et donc, on va parler des... Margarita, pardon. Bah oui, lui aussi, du coup. C'est un réflexe. Désolé, c'est conditionné. C'est vrai. On se croirait à aimer ça. On va se rengueuler quand on va parler d'alcool. Ouais, c'est vrai. Donc, on va parler des restaurants. Donc, il y a pas loin de... Il y a 1, 2, 3, 4, 5 restaurants. Le Silver Spur Steakhouse, le Lucky Nugget Saloon, le La Chance Café, le Fuente del Oro, qui est anciennement Fuente del Oro, qui est la Casa de Coco maintenant, et le Cowboy Cookout Barbecue qui a alors en français ça failli fait... brûler il y a pas longtemps. En français ça fait le Lucky Nugget Saloon, c'est le saloon de la pépite pour bonheur. La chaîne ce café, c'est le café de la dernière chance. Ça fait un peu peur. La maison de Coco. Non, mais... un restaurant familial. Le Cowboy Cookout Barbecue. Donc ça c'est, si je sais même pas ce que dire cookout. Bah cuisine extérieure, non je dirais moi. Cuisine extérieure. Ouais c'est ça ouais. Ouais. Donc un cowboy qui fait un barbecue en cuisine extérieure. Très mal traduit. C'est pour ça et qu'il y a des flammes la dernière fois sur le dessus. Mais c'est carrément ça en fait. C'est ça. Mais c'est carrément ça. C'est parce que et le Silver Spur Steakhouse. La maison du steak. On va commencer par celui-là. Hein, si vous argenté. Ouais. Argenté. C'est celui qui est juste. Alors, quand vous sortez de Phantom Manor, c'est le premier restaurant sur votre droite. Mm-hmm. C'est un restaurant à thème sur le Far West, hein, forcément. Ça, qui propose des. Qui propose mais dis-moi des... pas. Des steaks. Quoi des steaks. Oh des là saumons. Là des saumons. Incroyable. Des saumons. Alors, y a, à un moment donné, il y avait du saumon à la carte, il était super bon. Ouais, il y est plus. Il y est plus. Ah. Non. Ça, je me souviens, si, non, je parents, il, est, bon. Il y est encore attends, franchement, regarde. Il était ma mère avait pris ça, il était attends. Trop bon. Par contre, là, j'ai de la faim. C'est un de mes restaurants préférés. Hein, il est très. Pareil. La viande. Mais j'ai quand, même j'ai quand même une préférence pour celui du Disney Village de Steakhouse. Mais celui-là est très bien aussi. Oui, il est encore en gamme au-dessus. J'ai fait il y a tellement longtemps que je sais même plus c'est quoi le menu. C'est du village, il est vraiment excellent. Ah ouais. Ah oui, il est top. Mais un peu plus cher. Il propose des plats vegan aussi. Plus cher aussi. Mais ouais. Je préfère le cadre de celui du parc. Ah bah oui. Là, j'aime bien le côté industriel de. Oui, mais bon, là, c'est. Oui, bon, après, c'est sympa c'est aussi, mais bon. Ouais. C'est un autre monde. Si j'ai un conseil à donner, c'est quand vous y allez, on n'en parle pas assez de ça. C'est bon. J'ai eu la chance d'aller visiter le vignoble de Francis Ford Coppola. À Napa Valley. Le réalisateur de Dracula. C'est ça, exactement. Et il propose, alors je ne sais plus s'il propose encore, mais moi à l'époque, il proposait le Zinfandel, qui est un vin californien. Et à chaque fois que. Enfin, à l'époque, quand j'y étais il y a tellement longtemps, qu'en fait, on le prenait à chaque fois, un Zinfandel. Zinfandel. Et je ne sais pas s'il y en a encore. C'est un nom de médicament. J'ai regardé. Oui, je voudrais dire ça, oui. Ça fait penser à ça. C'est le nom du générique. C'est le nom du générique, voilà. Je suis en train de regarder. Oui, ils en font encore. Ah bah c'est bon, il y en a. Ok. Bah, ah ouais du coup, il y en a... Oui, j'étais pas sûr, tu vois. Et en fait, si... Mais en fait, j'ai fait il y a tellement longtemps. Je crois que c'était il y a plus de 10 ans, parce que ma fille était pas née, ma fille est née. Donc, j'ai pas été depuis 10 ans. Ah, elle était toute petite et croustillante. Elle était poisson. Oui. Elles sont signes astrologiques, c'est poisson. C'est ça. Voilà, c'est... On est bon, on est bon. Alors, ah, là, là. Les gars, vous êtes excellents. je vois qu'il y a du saumon rôti aux épices de cajun avec une salsa très, très d'avocat. Bon, il y a beaucoup d'avocats. Voilà. Donc il y a des juristes qui viennent et qui dansent. Il y a des avocats partout. Hein, c'est... Les avocats partout. Ah, et il y a un menu vegan. C'est pour ça que chez Hugues est vert. Dans un steakhouse, c'est logique. Mais... Bon. Oui. Steakhouse, manger vegan. Sinon, steak, il est vegan. Ce restaurant, vous en pensez quoi, à part ça? Très bon. Franchement, c'est un des meilleurs. Hein. Ouais. Oui, il est très bon. J'y ai pas mangé depuis 10 ans, donc je vous crois. C'est vrai? Non, ouais. Je te jure, c'est... Bah, après, en vrai, je pense que moi, ça doit bien... Tu sais quoi? Vu que j'y vais samedi, je réserve là. Je réserve une table là. Tu y es samedi, j'y suis aussi, moi. Bah écoute, tu veux que je réserve maintenant pour tout, avec toi? Non, mais j'y suis pas. Personne, mais... Ah d'accord, ok, bon, bah du coup, c'est pas grave. On va déjà être 4 5. Oui. On se fera un coucou quand même. Oui, on se fera un béco. Coucou. Coucou mamie. Viens, on va faire le train de la mine et la maison hantée. Et la maison des poupées. Et tu as vu, c'est la montagne de Lucky Luke. Là tu vois Olivier se barrer en courant. Ouais. C'est un peu comme dans Visiteur, ce sont des malades. C'était le premier épisode de ce podcast, apparemment ce sera le dernier. Donc... Attends, ensuite, je vais réserver une table. Donc en fait ce restaurant, bon, c'est essentiellement de la viande donc, qui est de très très bonne qualité. Dans un cadre, on se croirait au Far West, hein, c'est un super beau cadre, un très très beau restaurant sur le thème du Far West. Ensuite, dans le même style, en décoration, un peu dans le même style, nous avons le Lucky Nugget Saloon, un de mes restos, un de mes fiefs, où j'y vais très souvent, parce que c'est un... Alors, on en reviendra après, mais c'était mieux avant, pour, on vous dira pourquoi plus tard. C'est dans un style saloon, enfin la décoration absolument magnifique, sublime. où on sert en grande majorité des burgers, des fish and chips, je crois, des sandwichs. Des ribs. Et puis avant, des ribs, voilà. Et avant, il y avait quelque chose qui manque. On en parlera un tout petit peu plus tard. Margarita. Pardon. C'est réflexe. Et je peux réserver pour midi et quart. Ça y est, c'est fait. Toc. Pardon. Non, vas-y, tu... Je suis dans... Voilà, en direct. Voilà, et donc, ouais. du coup, bon, faudra qu'on prenne le temps pour boire une margarita hein, samedi. Oui, si tu veux. Réflexe. Réflexe. Réflexe. Donc, et puis, il y aura Laurent qui fait pourquoi vous parlez de mon appareil photo ? Non, mais c'est pas Laurent, non. Oh là là. Bah non, c'est un mirrorless, je pense qu'il en plus. C'est team premier degré. Oui, c'est ça. Et j'en ai encore un. Voilà. Je suis perdu du coup. Donc oui, alors le Lucky Nuggets, moi j'aime bien y aller. Surtout, la pépite porte d'honneur. D'ailleurs, j'ai fait une erreur que tout le monde fait, qui m'énerve. Lucky Nuggets, pas Nuggets. Ouais. On n'est pas au McDo. Parce qu'il n'y a qu'une seule pépite. Il n'y a qu'une seule pépite. Ouais. Le Lucky Nuggets. Elle est grosse. C'est une grosse pépite. Moi j'aime surtout y aller. C'est une grosse quoi ? Pépite que tu vois à l'intérieur. Et il n'y a plus Monsieur Paradis. Avant c'était bien. Non, avant c'était lui le propriétaire, ouais. Ouais. C'était trop bien, moi, il était venu me voir plusieurs fois. Je lui dis, ça va être Imakouyas. Pas comme ça. Non, je déconne, non. Non, il parlait de sa mère à chaque fois. Il parlait souvent de sa mère, ouais. Ouais. Tout le temps de sa mère, il parlait tout le temps de sa mère. C'est... Oh, maman, ouais, c'est parce qu'il connaît bien Arnaud, hein, pour ça. Arnaud, sa mère, bien sûr. Bon, allez les gars. Je sais pas vous, mais moi j'adore y aller dans ce restaurant quand c'est Noël ou Halloween. Parce que les menus de Noël... Il y a les menus à thème, ouais. Ouais, les menus à thème sont vraiment excellents à un prix abordable, hein, dans 15-17 euros à peu près. Mmh. Et je vous le conseille vraiment. Il est très immersif et il est accessible sans réservation toute la journée. Parce que vous pouvez même y aller, y goûter l'après-midi. Ouais. Moi, j'aime plus y aller. Avant, j'aimais bien. Non, j'aime plus. Ouais, non. Quand Salomé était petite, même avant, j'aimais bien le spectacle de marionnettes. Qui était vraiment thématisé. On allait en parler après, c'est dans le. Ah, d'accord, j'ai pas fait. Il y avait un autre spectacle encore avant ça aussi. C'est dans le programme. Ah, j'ai pas vu, excuse-moi, je me tais alors. Parce qu'on va parler après. Des choses qui fâchent. Dans les choses qui fâchent à la fin. D'accord. Bon, alors du coup, là, je n'aime plus y aller. Ensuite, il y a le Last Chance Café pour une petite collation rapide. Avec des hot dogs. Ils font un excellent chili con. Ouais. Ah oui, j'adore ça. Ouais. Et il est trop, trop bon. Et même leurs bouchées au poulet sont très bonnes. Hein. Et il cale. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on pense jamais à y aller. Et bah nous, par contre, tu vois, on y va assez souvent. Parce que la petite est fort difficile. Et du coup, on y va assez souvent. Et franchement, il passe très bien. Il passe vraiment bien. J'ai déjà fait, mais j'ai déjà surtout fait pour le goûter ou les trucs comme ça, en fait. Ah ouais, ça aussi, ouais. Mais, ouais. Donc voilà, c'est plus du... Un pseudo fast-food à emporter, mais ouais. de bonne qualité. Les Doritos qualité. Au cheddar sont pas mauvaises. Qui fait les régalos des petits comme des grains. Maintenant, on a la Casa de Coco, anciennement Fuente del Oro, qui était un restaurant mexicain, qui est toujours un restaurant mexicain, qui propose grosso modo la même chose. Hein, c'est les mêmes menus, j'ai pas vu de différence. Alors, moi, je trouve que ce restaurant, c'est de l'arnaque totale. Vraiment, je n'y vais même pas. Il est chafouin. Ah ouais ? Non, mais... Rien que pour le cadre, c'est abordable. Ah, non, le cadre, mal, ah, non, mais j'ai pas dit que le cadre... Non, mais ne dites pas ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que le cadre était pas bien. J'ai dit que... C'est la photo à l'intérieur que tu n'aimes pas. Mais non, mais je m'en fiche des photos à l'intérieur. On a perdu Laurent. Ouais. Mais du coup, non, c'est pas ça. C'est que moi, je trouve que les burritos, ça vaut jamais 18 balles. Enfin, je sais plus, c'est 11 balles. Ouais, moi je mange que les burritos enfants depuis que j'ai été opéré, donc du coup ça passe. Oui, mais. Au prix enfant, c'est bon. Mais je trouve qu'en plus qu'ils sont pas de goût. Ouais, c'est vrai que c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Non, et quand tu vois 11 balles le burrito, si je me trompe pas, je peux peut-être me tromper. Hein. 11 balles dépend, le burrito. Ça dépend du moment de la journée. 4 euros de. Oui. Plus 4 euros la boisson, t'arrives à 16 balles. Plus tu veux pas prendre des bouchées de. Enfin, moi je trouve que. Franchement, je trouve. En fin de journée, le burrito est meilleur. Ok, elle est validée. Mais non, parce que tout à l'heure, il a fait la blague. Il a dit, ça dépend à quelle heure on mange. T'as pas entendu ? Ah non, je ne l'ai pas relevé là. C'est 12 euros le burrito, 11 euros le vegan. 7 euros. Mais tu vois, ouais, par exemple, moi, tu vois, ouais, je prends burrito enfant. En plus, il a pas de goût. Il est à 7 goût, euros. Il a pas de goût. L'enfant, c'est... à 7 euros, ça passe, tu vois. C'est comme les burgers du Lucky Nugget. Pardon. Eh bien, je trouve qu'ils sont moins... Je sais pas. Ils me déçoivent. J'aimais bien, mais ils me déçoivent. Par contre, tu parlais de 4 euros la boisson. Moi, je la vois à 8 euros, la margarita. Hein. Oui, c'est ça. réflexe. Ouais, c'est ça, c'est 8 euros. Hein. Ouais. Et en glacée. Plus, elle est pas exceptionnelle. Hein. Moi, je la préférais avant. Ouais, avant, elle était un peu meilleure. Elle est trop glacée maintenant. Il l'a corsée un peu plus. Ouais. Il l'a corsée un peu plus aussi. Une fois, nous, on est arrivés, il l'avait un peu corsée. Ah ouais. Ouais, mais c'était avant. Voilà. Mais je trouve que, en fait, pour y aller, pour voir le cadre, c'est... Enfin, franchement, le cadre est magnifique. Enfin, j'adore. Oui, puis tu vas prendre le goûter, il y a des churros, il y a des trucs comme ça. Oui, voilà, mais j'y vais pour le goûter ou le café, ou quand il fait froid et que j'attends que les filles finissent BTM, tu vois, je bois le café ici. Ou pour l'apéro, quoi. Avec un paquet de churros. Oui, churros margarita, ça peut passer. Mais, ouais. Mais si tu veux, je trouve qu'y manger, enfin, je trouve que... Honnêtement, nous, on y va encore assez régulièrement avec les filles. Franchement, on y va. Allez, quand on fait vraiment un séjour de 2-3 jours, on y va peut-être bien une fois sur le séjour. Mais en fait, je me rends compte que je vais souvent manger à Frontierland, en fait. Ouais. Mais c'est souvent plus calme, hein, j'ai l'impression. C'est plus calme, et puis c'est. Quand ça ? Hein ? On disait que je me rends compte que finalement, en réfléchissant, je vais souvent manger à Frontierland. Oui, mais en même temps, c'est là que la bouffe est meilleure. Je veux dire ce qu'il y a. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Parce que Discoveryland, à part les gaufres Dark Vador ou ouais. Stormtrooper, avant t'avais les bouchées, t'avais des bouchées, tu sais. Les trucs noirs là. Voilà, t'as l'Hyperion quand même. Ils font plus rien. Enfin, l'Hyperion, c'est. Je crois que c'est même déclaré le fast-food le plus grand d'Europe, je crois, si je me trompe pas trompé. Je pense. Ouais, il est super grand. Ça l'était au début, en tout cas. T'as tout le même burger, c'est le BB-8. Enfin, voilà, au bout d'un moment. À Noël, ouais, t'as le burger raclette, tu vois. Ça a pas trop changé. Mais à Frontierland, t'as chaque restaurant est à thème, a son propre menu, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas encore un burger, quoi. T'as ouais. des trucs différents. Et sinon, le Kobaku Cut, moi que j'aime beaucoup. Ah, ça c'est bien, ça. Ah, il est bien. Qui est magnifique, franchement. Oui. Déjà, le quand bâtiment... il prend pas feu, mais voilà. Ouais, on a eu chaud, c'est le cas de le dire. Ouais. Il a rouvert le lendemain même. Hein. Donc, oui, oui, c'est ça, c'était un truc assez restreint. C'est assez restreint, heureusement. Plus peur que de mal. Donc, le bâtiment magnifique et le cadre à l'intérieur, très immersif aussi, très beau. Oui, et en plus, je crois que c'est un des seuls où vraiment, niveau quantité, c'est nickel. Ah oui, rapport qualité-prix, c'est ouais. un bah, des tu, meilleurs. Tu vois, pour moi, c'est un peu trop. Ouais. Mais... Oui, non, mais, oui, mais c'est vrai que t'as pas faim quand tu sors de là, quoi, clairement. Honnêtement, des fois, t'es à 16-17 euros le menu, ça vaut la peine, quoi. Ouais, c'est du shérif, franchement, t'as plus faim après. Hein. Ah ouais. Même les enfants, pour les enfants, je vois les filles, t'as deux grosses saucisses et puis des frites. Enfin, bon, les saucisses, elles sont finies. Ah ouais. Elles ont terminé, elles ont plus faim, quoi. Et d'ailleurs, elles prennent pas la compote, mais pour dire, c'est que t'as. Ouais, c'est costaud. Au niveau quantité, c'est bien. C'est bien. Puis si jamais il fait beau, tu peux manger dehors. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que mon burger, tu vois, l'offre burger est un peu différente de ce que tu as l'habitude d'avoir. Tu vois. Est-ce qu'il y a de la bière là-bas ? Je sais même pas, j'ai pas fait. Je crois, oui. Je suis sur le menu. Mais dans tous les restos, il y en a en fait. Non, c'est pas de la bière, c'est de la 1664. Ouais. Regardez le monsieur qui vient de Belgique là. Je me souviens quand même qu'il y en a un gars qui en a apporté quand il est venu chez moi. Hein. Ouais. Ah bon, je vois pas qui c'est. Oui, mais ah, elle vient de Disney. Le seul français qui était là ce jour-là. Hein. Et tu l'as pas bu ? Non, toujours pas. Je la garde pour toi. Tu peux la donner à des gens qui aiment pas, que t'aimes pas. Oui, c'est ça. Tiens, cadeau. Non, non, il est vraiment bien celui-là. Et à une époque, tu avais des petits concerts aussi à l'intérieur. Ouais. Qu'il y a plus, mais au Steakhouse aussi, il y avait des petits concerts à un moment, oui. Mais ouais, c'est dommage que j'aimais bien. Moi, je me rappelle, il y avait un petit concert d'un gars en banjo avec. Oui. Qui faisait ça. C'était vachement bien. Ouais. Il n'y a plus de musiciens de rue, ça me manque. Frontierland, je trouve que c'était le land qui était bien pour les musiciens de rue avec Main Street. Tu en vas y venir. Donc, oui, on va y venir. Ce spoil de la suite. Non, mais... Dans tous les cas, c'est que... c'est... Et en plus, l'hiver, il fait bon dedans, parce qu'ils allument la cheminée. Ouais. Donc, et j'ai le souvenir d'avoir été avec Julie à une soirée Halloween. Là, pour le moment, il n'y a plus la cheminée. l'année dernière ou il y a deux ans. On était arrivé à une soirée Halloween, tu sais, genre à 18h30, à 19h, on a mangé à 19h. Et en arrivant à 19h, il n'y avait pas grand monde, et quasi personne, je dirais. On est passé, on s'est mis devant la cheminée à manger. C'est trop bien. L'un à côté de l'autre avec le feu de cheminée en face. Non, c'est trop bien. C'est une idée très très immersif et puis très abordable pour, pour effectivement la quantité que tu as par rapport au prix. Ouais. Et si vous êtes nombreux. Et c'est bon, c'est très bon en plus. Petit point astuce, si jamais vous êtes nombreux, c'est le seul qui est en capacité de vous mettre 8 ou 10 sur la même table. Quoi. Ouais. Parce que c'est pas possible dans les autres. Hein. La chaîne, ça, c'est pas possible. Lucky Nugget, c'est. Je sais pas. Je crois que Lucky peuvent le faire, je pense. Mais Ouais, je pense. Ouais. Mais il faut qu'ils rassemblent des tables. Ouais. Mais là, en fait, là, il y a déjà quand même des grands espaces. Quand nous étions 8, on a pu tous se mettre sur la même table, quoi. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'espace. On sent pas serré. C'est pas comme certains. Mais c'est ça qui est bien, c'est que t'as de l'espace entre les tables. Mmh. C'est grand. Et ce qui est sympa, c'est pas aussi, comme c'est le Bellanoté. Le Bellanoté, par contre, là, t'es serré. Hein. Ah ouais, là. Mais c'est, t'es en train de manger, t'es un mec qui est là. Que les serrés parce que c'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Bella Noté. Ouais. Mais comment est-ce que Bella Noté, quand tu des fois t'es assis, t'as un cul qui passe, le mec il se frotte contre ton plateau, tu dis putain, c'est bon, t'as pas assez de place quoi. Mmh. Donc c'est un peu cher. Mais là c'est bien, il y a de l'espace. Voilà. C'est vrai. Très beau ressort. Ouais. Un de mes favoris souvent en soirée passe à Noël, je vais souvent manger là-bas. Ouais, bah, oui, bah, ouais, en plus, ce qui est bien aussi, c'est que comme il est un peu reculé, il y a souvent un peu moins parce qu'il est assez calme. Tout à fait. C'est assez calme. Et en plus, le débit, il est énorme parce que vu qu'il est grand, les gens, ils mangent et puis ils repartent. Enfin, t'as vachement de débit aussi. Hein. Maintenant, on va passer aux boutiques. Donc, il y a de très très belles boutiques, je trouve. Mm. Donc, il y a Sorder Mesa Mercantile Building. Donc, c'est une boutique qui offre une variété de marchandises à l'effigie de Big Thunder Mountain et du Far West. C'est plus trop le cas actuellement. Il y a encore des choses. Là, ils ont ressorti du merchandising attraction. Donc, effectivement, il y a du merchandising Big Thunder Mountain. Mais avant ça, il n'y avait plus grand chose. Je me rappelle, j'avais acheté un t-shirt BTM qui est devenu collector. Maintenant, ils n'en font plus. Mm-hmm. Qui est une très belle boutique. Vous aimez bien cette boutique? Moi, je la trouve zen. En plus, j'aime bien m'y promener. Elle est très immersive. Je trouve qu'il y a trop de gens. J'aime pas trop la foule de base, donc il y a souvent beaucoup de monde dans cette boutique-là. Mais sinon, j'aime bien la boutique de manière générale. Mais ouais, j'ai du mal parce qu'en fait, le problème, c'est que le passage est fort étroit. Donc, t'es vite l'un sur l'autre dans la boutique, je trouve. Mais voilà. Sinon, oui, globalement, elle est chouette. Hein, c'est une chouette boutique. Ensuite, il y a Bonanza Outfitters. On trouve des vêtements avant style western, parce que maintenant c'est plus trop le cas. Où effectivement, avant il y avait toute une zone où on pouvait acheter des vrais pantalons de cow-boy, des vrais chapeaux de cow-boy, etc. Mon père avait acheté une veste là-bas, longue veste de cow-boy et un chapeau. Il l'a encore. Et malheureusement, ça a disparu depuis très longtemps. Disparu. Eh oui. Il est en forme. Le Pueblo Trading Post, c'est un endroit idéal pour trouver des pins sur Disney hein, en général et sur Lucky Luke. Disney. Très bien. Bien, bien, bien. Donc là, c'est. Je crois que pour toi, Benjamin, c'est un passage un peu obligatoire, ça, cette boutique. Pourquoi tu dis ça? À chaque fois que je te vois sur le parc, tu y vas ou tu passes. Oui, c'est pas moi, c'est Julie qui y va et moi, je suis Julie. Bon, on te force à y aller, bien sûr. Oui, bah bien sûr. C'est Julie qui a la carte bleue. Donc, du coup, je suis Julie. C'est la boutique préférée des filles. Parce qu'en fait, c'est la boutique où tu as. Salomé est fan de Jack Skellington. Ouais. Du coup, tu as déjà Jack Skellington. Julie, elle aime bien les robes anciennes un peu. Donc, tu as encore des robes d'Halloween, tu sais. Un peu anciennes. Du Phantom Manor, là, qui sort de temps en temps. T'as des tableaux qui sont beaux aussi. T'as, d'ailleurs, c'est là où t'as le merchandising de Phantom Manor aussi. Oui. Si je me trompe pas. C'est quand t'arrives à gauche, non? Attends, tu rentres. Au milieu. Oui, c'est ça, oui. C'est la boutique du milieu, oui. Il y a Coco. Moi, j'aime bien Coco et t'as du Coco aussi dedans. Enfin, t'as tout. Il y a des vêtements, t'as le look. Voilà. Après, j'ai peur, en fait, quand même. Je vois qu'au fur et à mesure. il commence à être déthématisé, puisque l'autre fois, on était venu avec Olivier. En fait, avec Olivier, on est venu, on a vu Groot. Ah ouais ? Ouais. Les oreilles, oreilles de Groot, on n'a pas compris. Ok. Ouais. Ouais, c'était pendant les soldes. Pendant les soldes, voilà. Donc, en fait, ça m'a un peu, sur le coup, surpris. Et je la trouve plus thématisée pas mal quand c'est Halloween. Là, t'as vraiment... Mais c'est la boutique d'Halloween, quoi. Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est une boutique d'un seul bloc, en fait, d'un seul bâtiment, qui est divisée en plusieurs parties. Et, dedans, voilà. Et chaque partie est nommée comme une boutique. Et d'ailleurs, c'est la continuité du fort. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la continuité du fort. Ça, c'est partie de la vie, ça. Et je trouve que c'est fort qu'ils aient réussi à faire ça. Ah oui. C'est bien joué. Elle est pas folle. Mais ça passe. Mais non, mais ça passe. C'est aussi une boutique qui plaît aux enfants parce que t'as aussi des jouets pour de cow-boys, quoi. T'as des jouets, je crois. Voilà, il y a un côté boutique de jouets. Si jamais vous voulez pas faire la queue aussi, alors, encore une astuce. Hein. Oh là là. Si jamais vous voulez pas faire la queue dans les chariotes pour faire acheter un café, à l'extérieur de cette boutique-là, vous avez un boutiquier qui vous attend à côté de paquets de chips et de pop-corn. Et c'est là que je prends mon café souvent le matin, tu vois. Ouais. Tu prends ton café le matin ici, très bien. Et si vous avez un pass annuel, là vous avez une réduction. Alors que si vous l'achetez sur un petit stand d'ailleurs, il n'y a pas la réduction. Oui, il n'y a pas de réduction. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs. Astuce de rat. Dans toutes les boutiques, d'ailleurs, si vous voulez acheter de l'eau, c'est là que vous les achetez. Souvent, il y a de l'eau dans toutes les boutiques. Il y a encore des gens qui achètent de l'eau ? Bah, tu peux pas acheter de margarita. Donc, Bah, d'accord, bouteille de margarita. Il y a des fontaines, j'achète pas d'eau. J'ai mes gourdes, comme Tony a sa gourde là, par exemple, j'ai ma gourde et puis avec les filles. Puis on, Bon, après, ça m'arrive parfois d'acheter une bouteille d'eau pour qu'elle soit bien fraîche, tu vois. Mais, ouais, sur l'été ou un. Sur l'été, oui. Mais puis, il y a un... Après, c'est pas. C'est la boutique qu'il faut aller et qu'il faut absolument aller si jamais vous voulez. Vous êtes sûr, quand vous rentrez, au moins de sortir avec un petit souvenir de Frontierland. C'est la boutique de Frontierland, d'ailleurs. C'est deux boutiques en une. Oui, exactement. C'est exactement ça. Donc, fut un temps, il y avait... On va commencer à parler des choses qui fâchent. Attends, avant, t'as oublié une boutique des pins. Non, on en a parlé. On en a parlé. On a parlé. Le Pueblo Trading, ouais. Tu disais que c'était la fin qui avait la carte bleue. Oui, oui, c'est la fin qui avait la carte bleue. mais comment... j'ai alors tu vois, juste pour revenir dessus, c'est que t'as pas l'impression d'être à Frontierland, t'es sur un côté mexicain, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Voilà, c'est pas faux, mais ça va avec Zorro, tout ça. On va y venir. Oui, oh là là, Zorro, c'est vrai qu'il y avait Zorro, il y avait le thème mexicain, hein, quand c'était au départ. Hein. Donc, on va commencer à parler des choses qui fâchent. Fut un temps, dans les Landes, normalement, il y a des personnages qu'on voit assez souvent. C'est toujours le cas à Frontierland. On a un peu toujours les mêmes, je trouve. Mm-hmm. On a Dingo en costume de cow-boy, Dingo en costume d'Halloween, Minnie en costume de cow-boy, Minnie en costume de Mexicain avec Mickey. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on a. Maria Key ! On a eu Picsou il n'y a pas longtemps. Maria Key ! Maria Who ? Pardon. Il y a eu Picsou. et a priori, il y a eu, j'arrive pas à me rappeler, il y a eu Woody. Et Jessie de Toy Story, ça j'arrive pas à m'en rappeler, les avoir vus. Jessie y était. Surtout Jessie qui était là. Ouais, c'était Jessie surtout, hein, mais elle est pas restée super longtemps. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle, le plus récent qui changeait, c'était Picsou, qu'ils avaient mis là devant Pixar. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais sinon, on peut pas dire qu'ils changent beaucoup, il y a pas beaucoup de variétés. Ils mettent même pas Coco, Miguel, je veux dire. Mm-hmm. Ils mettent pas de... La dernière fois qu'ils l'ont mis, c'était une soirée personnelle, mais la soirée des vilains, je crois, en plus. Je pense, ouais. Ouais, donc voilà. Donc voilà, ça fait partie des choses où, effectivement, Frontierland n'est plus que l'ombre de ce que c'était avant. Car il y avait énormément de choses qui ont disparu. Notamment, moi, la chose qui me marque le plus... C'est sur les toits des magasins maintenant, il y avait des spectacles de cascade, un peu comme à l'Avenger Campus, où on avait le fameux Zorro qui se battait avec des méchants, qui a été retiré, je ne sais plus. Oh, il n'est pas resté longtemps. Quand même, hein, je crois que 5-6 ans, hein, quand même facile, hein, je pense. Oui, oui, oui, mais par rapport aux 30 ans du parc. Oui, oui, oui, oui. Oui, voilà. C'est... Ouais. la raison invoquée, c'était soi-disant que ça crée des attroupements sur le chemin. Bah, c'était assez très dangereux, je crois. Ouais, bon, enfin, bon, à l'Avenger Campus, ça leur pose pas de problème. Oui, mais ça a été étudié plus pour. Je pense. Oui, parce que quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis un spectacle. Quand t'as Spider-Man juste en face de Pim, t'as pas beaucoup de passages non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, je pense que c'est une excuse bidon. Enfin, bref, pourquoi pas. Il y avait le village de Pocahontas. Pour plus de précision, le spectacle avant de survenir, c'était au-dessus de la casette Coco. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est exactement ça. C'était pour ça que c'était le style un peu mexicain, tu vois, un peu comme on avait dans... Bah, de l'Hacienda de Don Diego de la Vega. Exactement. Ouais. Il y avait le Pocahontas Village indien. Mm-hmm. C'était un espace de jeu pour les enfants basé sur le Disney Pocahontas, donc j'ai trop de souvenirs. Il y a toujours l'air de jeu qui est là. Oui, mais c'est plus elle était mieux thématisée. Il y avait des tipis, il y avait des trucs. Enfin, c'est plus sympa. Et il y avait en plus à l'époque un cast qui était toujours là pour surveiller. C'est aussi. C'est ça. Qui animait un peu, qui faisait des animations pour les enfants. Oui, ouais, c'est ça. Il y avait justement, on pouvait faire en canoë. On pouvait se prendre en canoë. Mais ça a duré que 2 ans. Ça pas duré vraiment tout au début. Il y avait les canoës, il y avait les killboats aussi. Ouais, exactement. Et je pense qu'il y a dû y avoir des soucis, à mon avis, avec les canoës. En fait, les canoës, en fait, ça allait, mais le problème, c'est que quand il a commencé à y avoir un peu des normes de sécurité, ça n'allait plus, quoi. Enfin, t'étais littéralement dans un canoë avec un gilet de sauvetage, donc c'était pas vraiment une attraction pour un parc familial. Ouais. Mais par contre, ils font toujours, une fois par an, les cast members font une course de canoë. Alors, je sais pas si depuis le Covid ça a été refait, mais en tout cas, avant, il y avait une fois par an la course des cast members autour de ça. C'est fait avant l'ouverture du parc. Bah d'ailleurs, on voit l'entrée qui est juste en face de la boutique de Pins. Ouais. C'est rageant parce que quand on voit le... C'est l'entrée des killboats. Hein. C'est pas le... Ah, c'était pas... Non, en fait, les canoës, ils étaient juste après le village de Pocahontas, en fait. En fait, le village de Pocahontas, t'as pas ouvert avec le parc. T'avais rien du tout, en fait. C'était une zone où il y avait des tables et des trucs comme ça. Il y avait tu vois encore les deux embarcadères qui étaient là. Et après, quand ils ont fermé ça, ils ont fait le village de Pocahontas. Donc, je crois qu'il arrive en 94, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est ça, je trouve que ça enlève beaucoup d'âme au land. Bah ça mettait de la vie dans le land, en fait. Bah c'est clair, et ça manque de vie. Tu vois, par exemple, ils reviennent à ça parce que tu reprends l'Avenger Campus, ils rajoutent de la vie, il y a des personnages qui se promènent constamment, t'as des spectacles constants. C'était ce qu'était Frontierland à l'époque, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis donc on parlait des restaurants, le fameux restaurant qui a été massacré, c'est le Lucky Nuggets. Car on a toujours une scène magnifique où il y avait des spectacles de marionnettes entre autres, mais pas que. Il y avait des spectacles dansants aussi. Du French Cancan tout du French Cancan, oui, tout à fait. Ouais. Donc, comme dans Lucky Luke, justement. C'est ça. C'est mes premiers émois quand j'étais petit. et c'était absolument magique. Et depuis ce restaurant, qui est toujours sublimement beau, hein, c'est un des plus beaux restaurants d'Islande de Paris, quand tu as connu ça. Bah, y a plus de vie, en fait. T'as l'impression que c'est un bâtiment mort, quoi. Ouais. Et je ne comprends pas pourquoi Disneyland Paris, peut-être pas peut-être que pas en semaine, éventuellement tous les week-ends, il n'y a pas un spectacle. Je n'arrive pas à comprendre. Bah, je pense que c'est global, c'est avec le problème de personnel qu'ils ont, en fait. C'est une toute petite salle qui est vraiment accessible que aux gens qui vont manger là-bas. Bah, c'est pas rentable pour eux d'aller mettre un spectacle, en fait. C'est un peu horrible de ma part de dire ça comme ça, mais je pense que c'est juste la raison. En fait, c'est pas Tu sais, je serais prêt à payer un peu plus cher le repas s'il y avait un spectacle. Oui, mais un guest lambda le fera pas. Tiens, je pense pas. Donc, ouais, je sais pas. Là, t'es en train de donner des bonnes raisons à Disneyland de Paris, là. Oui, mais oui, mais ça, enfin, tu vois, faut être. Parfois, faut se faire un peu l'avocat du diable et. Ça, c'est bien, ça. C'est. Honnêtement, je trouve ça dommage hein, que. Mais non, mais tu vois, par exemple, ce genre d'événement existe toujours aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas s'il faut vraiment comparer notre parc. Je pense qu'il y a deux trucs pour les États-Unis, c'est que il y a moins de problèmes de personnel et il n'y a pas de sécurité sociale, donc ils payent les gens beaucoup moins cher. Donc, pour un truc comme ça, il te faut des spectacles. Enfin, pour faire le spectacle, il te faut des danseurs, des comédiens. Il te faut tout le. Disneyland Paris se rattrape avec le prix des hôtels. C'est vrai. Et le prix des passes annuelles. Hein. Donc, enfin, il suffit de prévoir. Non, enfin, bon. Je trouve que c'est pas une bonne excuse, mais. Oui, non, je suis. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage en fait qu'il n'y ait plus ça. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était. Et puis une chose qui manque énormément, c'est le fameux bateau du Mark Twain. Le plus beau des bateaux. Pour moi, c'était le plus beau. Le plus beau des bateaux. Pour mon bateau. Oh, c'est le plus beau. Donc c'était des vrais bateaux à roues qui étaient vraiment très beaux, qui existent. Il y en a un, je crois, en Californie. À l'équivalent ou à Disney World, je sais plus, c'est l'un ou l'autre. Je crois que c'est en Californie. Mais c'est en Californie, hein, je pense. Ouais. Voir. Et ça, c'est un manque. Surtout que, en plus, ce bateau, il est encore à Disneyland Paris. Quand vous faites le tour plus pour longtemps, du lac, il est dans un hangar qu'on peut voir caché derrière des bâches en train de pourrir. C'est horrible. Il est littéralement en train de pourrir, c'est ça qui est horrible. Bah, parce que à mon avis, on le verra jamais. Hein. Non, parce qu'en fait, ils l'avaient mis quand ils avaient réparé le Molly Brown, ils l'avaient mis sous la bâche, mais près de l'embarcadère. Et du coup, on pouvait le voir un peu mieux. Et c'était horrible de le voir dans cet état-là. Enfin, littéralement, il y a des planches qui étaient pourries, quoi. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est un crime pour moi. Je comprends pas. C'est ma plus grosse déception de ce qu'on avait avant. Et ouais. Puis c'était ce fameux bateau qui avait, je me rappelle au début, à Halloween, il y avait une décoration. Oui, un truc magnifique. Une sorte de fantôme géant là, ouais. Qui tirait le bateau, c'était hallucinant. Donc voilà, donc ça fait partie, c'est je crois que j'ai rien oublié sur les choses qui manquent. Mais il y avait énormément de choses, c'était un land très vivant comme l'est maintenant l'Avenger Campus. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne revit pas. Ouais, je pense qu'il y a quand même l'aspect flux de guests, tu vois, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits qui sont assez serrés en fait. Donc il y a peut-être un peu de ça. Maintenant, pour moi, c'est pas une excuse suffisante, mais je pense qu'il y a un peu de ça qui a joué. Et tu sais, il ferait comme dans certaines soirées passe annuelles, il suffit qu'il lâche 2-3 castes déguisés en cow-boy. Qui te fasse des petites scènes, scènes d'action, tu vois, pour mettre une ambiance, pas forcément un truc. Bah, en gros, enfin. Comme ils font à l'Avenger Campus, quoi. Ouais. C'est la fois où t'as vraiment vu vivre ce land-là, c'était Halloween. Ça, et la soirée Halloween, de réouverture de Phantom Manor aussi. Oui, aussi. Là, ouais. C'était incroyable. Mais c'était, je sais pas, pour la soirée Halloween, quand on l'a fait, enfin, vous vous en souvenez, mais t'avais vraiment les personnages de Thunder Mesa, quoi. Ouais. Donc t'avais le shérif, t'avais le tueur à gage, t'avais Mélanie Ravenswood, enfin voilà. C'est là franchement j'ai jamais, je suis pas forcément fan de ce land là, mais ce jour là je me suis dit il a un potentiel énorme en fait. Ouais. Là ils ont exploité le potentiel et je sais pas moi à la tombée de la nuit genre l'hiver ou fin de l'été, fin de la journée de l'été. Ça leur coûte rien de mettre 3 heures un casse-lampeur. Voilà, en plus, tu restes dans le thème. En mettant des mecs, des casse-lampeurs à se promener de nuit, c'est rien. Ça coûte pas des fortunes, faut pas exagérer. Mais non. Il faut quand même arrêter. Quoi. C'est Disney. Je pense que ça va. Disney. Et espérons que ça change quand Universal va débarquer en Europe. Voilà, peut-être qu'ils vont se réveiller. Ah, ça sera. Je pense que ça va peut-être leur mettre un petit électrochoc là, surtout qu'ils perdent du personnel d'Imagineering au profit de Universal. Ouais. Donc. On se demande pourquoi. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc je sais pas si vous voyez encore quelque chose. Tony. Benji. Peut-être une dernière petite astuce, les toilettes qui sont après le Fuente del Oro, il y a deux rangées. Voilà. Ah non. Pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, faut fidéliser les auditeurs. Il n'y a jamais personne dans les toilettes pour hommes. Sinon, vous allez aux toilettes derrière, dans le fort. Voilà. Ça aussi, ouais. Toilettes, voilà. Donc, c'est là sont occupées. Voilà, il y a moins de gens. Ouais, c'est vrai. Bah, écoutez, ça finit par des toilettes. Voilà, c'est une bonne conclusion. Petite info, petite astuce. Tout a commencé par une souris. Tout a fini dans des toilettes. Voilà, exactement. Mais donc, si vous voulez profiter de Thunder Mesa, Disneyland a fait une vidéo ASMR de Thunder Mesa. Ah bon ? ASMR ? Ouais. avec dans l'ambiance. Vas-y, va sur la chaîne officielle de Disneyland Paris, où tu tapes ASMR Thunder Mesa, tu vas voir. Attends, ils ont fait de l'ASMR Thunder Mesa. Voilà, ça t'immerge en ASMR. Attends, hop. Hop. On va voir ça à Disneyland Paris. Vas-y. Fact-checking. Le fact-checking. Comme les hommes politiques. Tac tac, allez où la chaîne du temps de Paris. ASMR, je cherche, tu m'as dit. Attends, c'est Disneyland Paris. La chaîne officielle. Ouais, c'est officiel. Je sais ce que. Il y a l'ASMR de Noël par Disneyland Paris. Je trouve. Et puis le mois d'octobre, mois de novembre. Non, elle y est. Parce que en fait, quand c'était, il est sorti en 2020 et je l'avais écouté. Ça me faisait marrer d'écouter ça. Attends, Disneyland Paris, c'est quoi la chaîne officielle? Je vais essayer de la trouver. C'est en un seul mot, Disneyland Paris en un seul mot. Ouais, en un seul mot, ouais. Playlist, et tu vas dans. Bah, je tape ASMR dedans, je ne trouve qu'une. Non, mais je sais plus, c'est Playlist Zen ou un truc comme ça. Ouais, c'est de la Playlist Zen. Je trouve que c'est ça. C'est ça, Playlist Zen, les Zen moments. Il y a tellement de playlists que je la trouve pas. Non. T'as la playlist Détendez-vous pendant Frontierland. Ah mais oui, mais il y a pour tous les langues en fait. Mais oui, et t'écoutes, c'est relaxant, mais c'est méchant relaxant. Tu vois, apparemment, je les ai écoutés en fait. Mais il y a déjà, et oui, mais c'est pas de la ASMR, t'entends les bruits d'une langue, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, ouais, mais si, c'est des moments zen. Oui, ils avaient sorti ça pendant le Covid, c'était extraordinaire. Ouais, c'est ça. Ouais, pendant le Covid. Ils filmaient, je regardais en boucle. Parce que t'avais l'impression d'être dans le parc, c'était magique. En fait, et j'adore, moi, mon moment préféré, c'est le moment où ils sont dans le Phantom Manor. Où là, vraiment, 2 minutes 42, c'est le moment le plus écouté. Ah oui, ouais, ça m'étonne. Bah oui, bah, tu m'étonnes. Là, t'es vraiment immergé. Ouais. Et tu vas à la 34e minute, t'as le panneau de tonnerre, mais ça, t'entends vibrer. Non, c'est. Ouais, c'est pas mal. Bah ouais. Et du coup, vous pouvez voir encore le Fuente del Oro tel qu'il était avant. Eh oui. Oui. Feu, oui, le Fuente del Oro. Non, feu ça, c'était au Cowboy Cookout. Bah écoutez, moi je pense que pour une. Oui, vas-y. Je vais revenir sur le spectacle de Zorro. Ouais. Il n'y a pas Zorro sur la. Vous savez pourquoi il n'y a plus Zorro chez Disney? Non, vous ne savez pas. Parce qu'ils ont plus les droits de Zorro. C'est pour ça que Zorro. Je ne savais pas qu'il les a perdus. Bah, il y a une nouvelle série Zorro qui est sur Amazon. C'est plus Disney qui a les droits sur Zorro. Je crois que c'est Zorro. Zorro production ou reproduction, je sais plus, un truc comme ça. Mais c'est plus Mickey, c'est plus Disney qui a les droits sur Zorro. C'est pour ça que t'as plus Zorro. Mais je sais plus, mais il y a. Quand pas il a disparu, ils avaient encore les droits, je crois. Oui, ils avaient encore les droits, oui. Oui. Mais maintenant, ils ont plus. Mais le truc, c'est que il y a pas Zorro sur. Vous savez, c'est dans quand tu vois Lucky Nuggets sur la. Si, sur la toile. En fait, sur la toile, tu vois tout ce qu'il y avait. Sur la toile, tu vois tout ce qu'il y avait. Oui, c'est ça. Et il y avait Zorro. Oui, tu le vois sur. Je vais essayer d'y retourner samedi pour voir s'il y a Zorro sur la toile. Allié, c'est sûr. Et t'as Zorro, tu vois Zorro, qu'est-ce que tu vois d'autre? Tu vois les canoës, tu vois le spectacle. Ouais, là, prendre en photo d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est une très belle toile. C'est une très belle toile. Une très belle toile. Ah, si vous y allez, je veux bien la photo parce que je vois plus trop à quoi elle ressemble. Je vais y aller samedi, je vais prendre la photo. Okay. À mon avis, ça se retrouve sur Google, sur Internet. Ok. Ouais, okay. Mais c'est moi qui prendrai la photo, c'est mieux. Voilà. Ce serait la plus belle photo. Voilà, la plus belle photo du monde. Écoutez, bon, je pense que pour une première, c'est pas mal. Merci à toi, Tony. Donc, Tony, on peut nous retrouver tous les deux. Chez lui. Sur le podcast. Chez lui, assis sur sa chaise. Voilà. Exactement. Ou parfois, un barbecue l'été. Hein. Non, mais oui, voilà, podcast Maîtrise d'Actu, où on sort un épisode tous les 15 jours. Puis voilà, donc avec Olivier, avec Marie aussi, puis avec des invités. Notamment, dans le dernier, on a reçu Benji. Et ouais. C'était le premier là, de cette année 2024. Donc voilà. Ah, c'est... Ouais, c'était le premier de l'année, je crois. Tu me souviens bien. Ou c'était peut-être déjà le deuxième? Non, c'était... Non, je sais plus. C'était le deuxième. C'est juste, c'était le deuxième, ouais, c'est juste. Et puis mon comparse Benji, bien sûr, que vous pouvez retrouver dans le magnifique podcast Marvelicious. Marvelicious. Parce qu'on parle de chefs-d'œuvre comme The Miss Marvel. Hein? qui sort le 7, que je verrai enfin le 7 février, quand il sortira sur Disney+. Allô ? Allô ? Donc, et le prochain, c'est sur Echo. On va en parler dans tous les podcasts. Echo Plus. Echo. Oui, et voilà, c'est sur Echo. D'ailleurs, j'espère que vous êtes au taquet, les gars. C'est con. Oui, j'ai tout vu. Ah, j'ai tout vu. C'est bon. C'est bon. Je suis à jour. Parce qu'il faut qu'on le cale. Voilà, il n'y a plus qu'à le caler. Il me reste encore il me semble bien. Il n'est pas dans le planning. Non, il n'y a, a plus rien là dans le planning. Il faut que je refasse. Il faut que je mette le planning à jour. Là, je vais mettre... là il va être à jour, je pense, fin de semaine. Voilà. Okay. Et Echo. Ah, regardez, Echo. Et n'oublions pas de remercier notre ami Laurent qui, malheureusement, a une coupure pendant l'enregistrement de ce podcast. Les problèmes techniques, ça arrive. On lui fait de gros bisous et n'oubliez pas de suivre sur sa chaîne YouTube Cinématique DLP. Voilà, pour notre podcast à nous, on va essayer de faire au moins un épisode minimum une fois par mois pour rester dans le rythme. Ouais, c'est pas mal pour une fois par mois. Après la stretching room, voilà. Voilà. Donc, je vous dis au revoir à tous. On se retrouve pour un prochain numéro. J'espère que ça vous a plu et je vous dis, et on vous dit plutôt à très bientôt. Allez, salut. Bye. Salut. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha